étrange. T'aurais écrit en quoi, toi? C'est écrit en australien aussi. En fait, c'est écrit en toutes les langues, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, c'est ça, bah oui. D'accord, très bien. Eh bien, je te propose, après cette magnifique intro, d'y aller. Oh, super. Quoi? Ah, bah bravo. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah c'est intelligent. Ah bah Non, écoute. on va la refaire. Ah, Coupé! on recommence. Pardon. Quoi? Non, Je bah sais je pas, je ne recommence. sais pas, je On ne sais recommence pas plus. pour de vrai. Allez, Allez, schkling, skling, sklung. on Hey! l'a À la bien fait. tienne! C'est l'étiquette, c'est le bruit de l'étiquette. Tu refais l'intro ou je le fais? Enfin, tu démarres ou je démarre? Non, je suis pas bon. Ok, Ça d'accord. doit te manquer aussi un petit peu de. Bon, ça, moi, je l'ai fait quand même pendant pas mal de saisons. C'est vrai. Donc, bon, très bien. Eh bien, bonsoir et bienvenue pour l'épisode 15 de cette saison 3 de Road to Hellfest, avec toujours au programme un mec très enrhumé, un mec moins enrhumé, C'est moi. et de la bière auquel nous remercions notre sponsor, Lani. C'est Lani qui a fourni ses bières. Ah, merci Lani. Elle ne le sait pas. Mais c'est avec Ah, sa carte bleue que ça a voilà, c'est été ce que j'étais en payé. train de Donc... me dire. Parce que la dernière fois, je lui ai dit, attends, t'es sponsor officiel. Il m'a dit, vous ne vous citez même pas. Je lui ai dit, bah voilà, t'es cité. Ça. T'es Super. sponsor officiel. Et je peux dire que là, elles ont coûté cher. Autant se faire Donc, plaisir. exactement. Encore un beau programme nous attend lors de cette émission, parce que mine de rien, il s'est passé plein de choses. Ah bon? Oui, en peu de temps même. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de zapper ta bonne semaine, parce qu'en plus, comme je m'en fous tout le Ouais, on temps, s'en fout de ta bonne et de semaine. directement attaquer par. Bah, les news, on reviendra sur la grosse sortie de la semaine, enfin la C'est dommage parce fameuse. que j'ai fait un truc super intéressant. Ah bah je t'en prie, vas-y, Ah bah non, non, fais-en non, nous partager la mais... vie. Non, non, non. Je voudrais surtout pas te... Non, mais attends, pour une fois que tu fais quelque chose dans une semaine, vas-y. Je sais pas que ça... Eh bien, va te faire foutre. Ça Voilà ce aura que j'ai pris fait moins de durant deux ma semaine. minutes. Bon. T'es sûr? Je vais pas regarder, je vais pas regarder. Ouais, Attends, c'est vrai. ça enregistre, vous? Parce qu'on rigole, on rigole. Oui, non, si, ah, 2 minutes 7, tu vois, ça n'a pas pris moins de 2 pas minutes, j'avais mal. raison. Donc, Vas-y, vas-y, très vas-y, on bien. s'en fout. Bah, je te Tu me propose, popes, tu je te proposes. propose qu'on passe à la rubrique news. Ouais, vas-y, vas-y. Rubrique news. Je vais commencer? Ouais. Très bien. Dis-moi, Bob, tu Oui. savais que j'avais du sang de viking en moi? Oui, je le savais. Ah, ça, c'était dit ça pour niquer ma blague. Moi non plus. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'aime bien me dévoiler au fur et à mesure des émissions. Mais assez parlé de moi, et parlons plutôt Amon Amarth, parce qu'on l'a déjà fait dans d'autres émissions. On a dit C'est vrai. qu'on aimait bien lever notre corne pour tout le monde et qu'on irait les voir au Knotfest. Plein de news en une seule. Un nouvel album prévu pour le 3 mai, intitulé Berserker via Metal Blade Records, la tracklist complète des 12 titres, plus un artwork très guerrier dans l'idée. Et même un premier titre, Ravenflight. Track numéro 6 sur le futur album. As-tu eu l'occasion d'écouter ce magnifique Je crois que oui, en plus. Ravenflight? Ouais, je crois que j'ai eu l'occasion de l'écouter. Mais ça t'a pas marqué? Bah, j'ai écouté pas mal de trucs comme ça, Ouais. et du coup, je crois que ouais. Mais je le réécouterai parce que ouais, j'ai envie de Tu mets savoir ce dans que ta ça va to-do donner. list réécouter? Si tu savais, comme moi, elle est énorme. Eh ben écoute, moi je l'ai écouté 2-3 fois Ouais. et j'ai beaucoup aimé ce morceau. Il me hype pas mal pour l'album, qu'on aurait de toute manière été écouté parce qu'on est un média Ah professionnel mais complètement et et qu'on intégré dans on et aime intégré dans tellement la vie. dire des choses sur d'autres choses qu'on a besoin d'alimenter Ouais, c'est vrai. tout ça. Donc voilà, c'est plutôt cool du nouvel Amon Amarth. Avec un peu de chance, on pourra voir ses chansons en live dès le temps de juin que j'ai oublié. Au Le vin? Knotfest. C'est le 20? Moi, je crois. Eh ben, dès le 20 juin au Knotfest. Ouais, c'est ça, fin juin. Oh, Bon, de toute façon, on est bourreux, on s'en fout. D'accord. News suivante. Hey, mais dis donc, Oui. j'allais te poser une question. Est-ce que tu sais pourquoi je suis un grand fan de Kaios Jack? Parce que c'est un groupe emblématique du stoner, que t'aimes bien le stoner et que bah t'aimes plutôt pas mal de membres du groupe. Et la musique. Eh ben ouais. Eh ben voilà. T'as tout dit. À toi. Non, c'est pas la Ah, c'était news. pas l'info? C'est pas Ah, l'info. c'est pas la nouvelle news? Ah. Alors, bien sûr, en dehors de la qualité musicale du groupe, hein, j'entends bien. Eh ben, c'est très simple. Une fois le groupe séparé, les membres sont tous partis dans des styles différents. On a pu le constater. C'est vrai Du qu'on coup, peut dire sont en ça. train de conquérir le monde. Et ça, peu de gens l'ont peut-être remarqué aussi. Ouais, mais c'est pour ça. Enfin, ils font ça en douce, tranquille. Bah, c'est des malins. Chacun à leur échelle, bien sûr. Bien sûr. J'entends bien. Mmh. Et le prochain à jouer et à déplacer son pion, telle une stratégie de guerre dans Game of Thrones. C'est fou, ça. Avec la dernière saison qui arrive bientôt. Dingue. La semaine prochaine, je crois. Mmh. La semaine prochaine. Ouais, ou la semaine d'après. Ouais. Eh bien, qui que c'est-il pas, c'est Brand Bjork. Qui va nous sortir son 14e album, quand même. Ouais, mine de rien. Il a pas perdu de temps. C'est clair. Donc voilà, le 5 avril prochain qu'il sort. Donc autant dire la semaine prochaine. C'est vrai. Parce qu'en plus, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, qui s'intitulera Jacuzzi. Jacuzzi. Jacuzzi. Avec deux O. Deux Z. À noter qu'il s'agira de chansons enregistrées lors d'un jam en 2010, ouais, qu'ils ont fait en 2010 avec des membres de Kaios et de Fu Manchu. De Mero. Oh, eh bien. Voilà. Ce qui est un peu curieux, c'est de le sortir 9 ans plus tard. Mm-hmm. Hein, ça, qui sommes-nous pour juger les gens ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est pas... Deux extraits déjà dispo. Hein, le premier, Guerilla Funk, et Second Black and White Wonderworld. Mm-hmm. Wonderland, pardon. As-tu voilà, jeté une oreille ? J'ai jeté une oreille sur Guerilla Funk, ouais, qui est très cool. Y a pas quelque chose qui t'a marqué dans ce titre ? Comment ça ? Bah, c'est un jam, donc bah, ça chante pas, en fait. Ouais, bah après. Surtout l'album, en fait, ça chante pas. Eh ben. Non, mais y a rien, mais ça fait bizarre. Ouais, bah c'est... après. C'est... Après, j'ai trouvé ça très bien comme. Musique de fond. Ouais, c'est cool. Bah après, c'est ouais, Brand Bjork, il est très très doué dans ce genre de musique. Mais du coup, comme toi, t'es un peu un mec du Brand Bjork, ça arrive souvent qu'il chante pas ? Non. Ah, tu vois ? Ça arrive pas souvent. Donc, quelque part, c'est un peu surprenant déjà. Ouais, mais peut-être qu'il avait, je sais pas, une laryngite ou. Non. Et du coup. Oui, oui. Pas sur un jam. En tout cas, il sort beaucoup. J'ai regardé vite fait, et il sort un album tous les ans presque. Ouais. Ah ouais, le dernier Chocolate, je ne sais plus. Chocolate. Oh, ne me regarde pas comme si j'avais la réponse. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Est sorti en 2018. Ah non, non, ça. Donc, ça... ouais, c'est. Okay, pas mal. Hein. Mmh. En même temps, c'est un jam de 2010, donc. Bah là c'est facile. C'est plus oui, facile. Là, on va dire, bon, c'est vrai que ça lui donne un petit peu de marge. Mmh. En espérant qu'il arrive après à rejouer les morceaux, ça sera juste pour. Je ne sais pas s'il est encore, ouais, je crois, avec Desert Low Punk ou genre de truc. Je crois qu'il. Ouais, il. Après, ça il est sonne, toujours présent. Ça sonne vraiment 2010, hein, par contre. Hein, c'est... Ouais, niveau son, niveau ouais, prod, ouais. Je trouve. Et niveau après, jam. C'est pas désagréable. Mais... Ouais, non, c'est cool. Hein, ouais. C'est du Brand Bjork. Eh bien, très bien. News suivante. Tout à fait. L'album est sorti, enfin. Après des semaines et des semaines d'extraits pendant nos émissions, eh bien, le dernier titre, We Never Fall, sorti la semaine dernière, a le droit cette semaine à une version vidéo live. Et franchement, j'ai un peu peur que le live, en tout cas j'entends l'album, aurait mérité d'une sortie vidéo pour rendre hommage à la qualité du groupe. Je parle bien sûr de l'album Live in London de Zeal and Ardor. C'est qui ça ? Pardon ? Mais si, c'est un groupe, on l'a déjà vu. Ah oui, c'est avec le mec. Avec Manu. Ouais. Et as-tu regardé cette version live ? Vidéo, pardon. Vidéo live, du coup. Non, je crois pas. Eh ben, elle est top. Et as-tu écouté l'album ? Pas en entier. Et qu'est-ce que t'en as pensé de pas en entier ? Bah si, très sympa. Ouais, hein. Ouais, très sympa. Ça passe bien. Franchement, ça passe très bien. Ouais. Moi aussi, je l'ai écouté, bah, pour le coup, en entier. Mm. Et ouais, il passe bien. Mais... C'est vrai que ça me donne presque envie de voir un live. Ah, j'aimerais bien les revoir. Ouais. Franchement, j'avais adoré le Wellfest. On a merdé, on aurait dû aller au Havre. En oui, plus, c'est vrai. En plus, je suis fan de Tetris, ouais, donc ça serait... Ouais, carrément. Enfin, moi, je trouve que les niveaux, quand ça c'est dur, et du coup, je capte plus rien. Bien. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des techniques pour jouer à Tetris et d'être meilleur. Ouais, ouais, j'ai vu une vidéo le jour, les mecs étaient très, très, très doués. Quoi. Ah bah, Tetris. Ah, ça, c'est impressionnant. C'est vrai, non, non. Mm. En tout cas, voilà, c'est ça pour dire que nous n'en parlerons plus, du coup, parce que... Bah ouais. Maintenant que c'est sorti. Bah voilà. On va passer à autre chose. C'est ça. Très bien. Je te laisse la news suivante. Le super groupe, The Damn Things. Par exemple. Ouais, cool. Avec des members of Anthrax et de Fall Out Boy, Every Time I Die et Alkaline Trio, sortira son nouvel album le 26 avril prochain. Voilà. C'est dans un mois. Et du coup, pour fêter ça, après le titre The Cells, un nouveau titre pour se dégourdir les esgourdes avec Something Good. Et ben moi je l'ai pas écouté celui-là. Moi je l'ai écouté. Alors ? Ah c'est dans la déconnade. C'est vrai ? Ouais. Ah donc c'est sympa. Moi ça me fait penser à du Queen of the Stone Age mélangé avec du chant un peu à la Foo Fighters dans l'esprit Eagle of Death Metal, mais plus sur l'esprit Lullaby to Paralyze de ah oui. The Queen of the Stone Age. Ah oui, donc c'est... C'est très... sauf que le chant n'est pas crooner, comme Joe Shaw peut le faire. D'accord. Il est plus, justement, fun, on va dire, quoi. C'est ça claque des mains. C'est... Enfin, tous mes amis vont aller en enfer, machin, truc. Et du coup, c'est assez... C'est enjoué. Ouais, c'est plutôt... c'est rigolade, quoi. Ah ouais, ouais. Et ça, bah, ça fait donc... T'avais plutôt bien aimé le premier titre aussi de Oui, non, c'est sympa. Franchement, j'aime bien ce petit groupe et déconnant. Dans un mois, t'écouteras sûrement l'album. Alors. Ah, mais... Ce sera peut-être dans ma... Parce qu'on est... Ah, carrément. Ah oui. Ah, à ce point-là. Ah ouais, je pense, ouais. Ah, bah, ah j'aime bien l'esprit, ouais. Parce qu'on est le 26, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça, donc dans un mois. Dans un mois. Pile poil. C'est fou. Hein. C'est formidable. Comme le monde et la vie. Et... C'est une question de timing. C'est ça. Ah, bah, la vie est dingue. Bah, c'est ce que je me disais encore l'autre jour. Je me suis réveillé le matin et je me dis, tiens. La vie est dingue. La vie est dingue. Ouais. Et puis je me suis levé, je me suis fait un petit café. Je pris de la brioche avec de la confiture de fraise. Parce qu'en ce moment, c'est mon petit kiff. C'est mon petit bonheur. La confiture de fraise, c'est extra. Ah, mais je prends de la brioche parce qu'il est tressé, c'est donc bien épaisse. Ah ouais. Ah mais je sais le faire. Tout, ouais. Où il y a un autre truc, un autre petit plaisir que je me suis refait là, récemment, du 4 quarts que tu trempes dans le café. Oh, fou. Tu le coupes en deux ? Bah, dans le sens de la hauteur ? Non. Non, c'est pas le si tu prends en barre ou tu en prends barre, je prends en barre. Ouais. Ah bah moi je me fais une tranche assez plus ou moins épaisse, on va dire sur 2-3 cm. Ouais. Et je le coupe dans le sens de la longueur pour que ça rentre bien dans ma tasse. Ah moi j'aime bien le côté ça rentre pas tout à fait. En fait, tu sais que je mouille par petits. Ouais, mais tu bourrines, du coup t'en fous partout. Que là t'es sûr que ça rentre dedans. Et là, t'es sûr que tu vas tout avoir sans miettes. T'as chopé ça sur un tuto YouTube, toi. Bah ouais. Putain, t'es trop balèze. Ouais. Eh bien, merci pour cette news. Ça me fait plaisir. Alors, il y a à peu près 20 ans, Metallica a enregistré un album live avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco, à San Francisco, le 21 et 22 avril 1999, sous la direction de May Carl Carmen, et intitulé S&M, pour Symphonique et Metallica. Avais-tu déjà entendu parler de ça ? Je ne crois pas. Eh ben, c'est étrangement. Moi, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'écoutais déjà Metallica, j'étais un peu effrayé. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pourquoi ? Je ne voyais pas l'intérêt, en fait. D'accord. Mais t'étais jeune aussi. Non, mais c'est parce que en soi, je me disais, l'intérêt de faire un truc avec le fil harmonique. T'étais déjà vu à l'époque. Oui, j'étais déjà là, oui. Et du coup, en fait, c'était super intéressant. Ça apportait vraiment quelque chose. Après, je pense que bien sûr, ça va être encore mieux une fois que tu le vois en vrai, quoi. Ouais. Mais moi, j'avais acheté à l'époque la VHS, les albums et tous les singles. Et il y avait quand même deux inédits du répertoire du groupe, donc c'était plutôt pas mal. Sympa. Eh bien, figure-toi, même figure-toi pas que. Carrément. Le 6 septembre prochain, donc celui de cette année, donc celui de 2019, ils remettent le couvert avec SCM2. La célébration des 20 ans du SMM 1. C'est pas facile à dire, SM. SM. Donc cette fois, un seul soir au lieu de deux. Et comme Michael Kamen est décédé, ce sera sous la direction de Michael Tilson. Ah, Thomas. Michael Tilson Thomas. D'ailleurs, on peut dire qu'un Michael remplace un Michael. Toujours avec l'Orchestre Symphonique de San Francisco et toujours à San Francisco. À noter pour la petite histoire que beaucoup de fans n'étaient pas contents parce que pour la mise en vente des places, en fait, si tu t'inscris sur le compte de Metallica, tu as plusieurs degrés de fans, entre parenthèses, donc selon ce que tu payes ou ce que tu ne payes pas. Si tu payes plus, tu es un méga fan. Ouais, non, bah, si tu t'inscris au truc. Parce qu'en fait, à la base, le fan club de Metallica était payant. Toujours. Il est passé gratuit, mais en gardant une formule payante. Donc, ceux qui gardaient la formule payante ont des avantages en priorité de vente de concerts et tout ça. Et ceux qui ont gratuit ont des avantages de priorité par rapport au reste du monde, mais c'est gratuit. Tu vois, c'est en fait, ça te fait de différents degrés. Et donc, ouais, en fait, ouais. La première mise en vente pour les fans qui ont payé, même eux, n'ont pas pu avoir de place. Genre, à la minute 1, il n'y avait déjà plus rien parce qu'ils pensent qu'il y a eu plein de bots qui ont acheté des places et c'était déjà tout... quasiment tout vide. Ah, c'est dégueulasse. Donc après, j'ai pas pu voir par rapport à la deuxième vente pour les membres gratuits et après la vente publique, mais ça a dû partir super vite et ça doit se revendre hyper cher sur le marché noir. Bah, bravo. En tout cas, voilà. Ça, c'est les fans étaient vraiment pas contents. Il y avait beaucoup, beaucoup de fans dégoûtés. Malheureusement, c'est vrai que ça fait partie du... Comme beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Oui. En tout cas, moi, je suis assez impatient de voir, parce que comme c'était il y a 20 ans, il y a eu depuis pas mal d'albums, et pour ma part, de chansons, de bonnes chansons de Metallica, qui pourront retrouver une nouvelle vie ou une nouvelle façon d'être envisagée avec un orchestre symphonique. Est-ce que tu sais lesquels vont être joués ? Non. Non, non, bah ça, je pense que... Est-ce que tu as des espoirs de savoir lequel est-ce que t'as un tel... bah, j'aimerais bien voir la version de That Day That Never Come, qui était sur Death Magnetic, parce qu'elle est très longue et qu'elle elle fait tout, en fait. Elle part par une version calme, après elle part énervée, très énervée. D'accord. Et donc j'aimerais bien voir ça avec derrière, ce que ça peut être intéressant. Mmh. Parce que c'était, il y avait vraiment un truc qui était rajouté par. Je te conseille de l'écouter à l'occasion si tu peux. Écoute, avec mes multi groupes et morceaux, oui, je le rajouterai au milieu de mes 200 000 trucs à écouter. Bah mets-le en haut. Oui, mais je fais que de les mettre en haut, ce que je dois écouter. Je le mets en haut. Bon, bah, je te ferai. Sauf qu'à un moment, je te ferai juste écouter un truc à la fin du podcast et tu verras. D'accord. Voilà. Je t'en prie. Comment enchaîner avec ça? Ah. Hey, c'est marrant que tu parles de San Francisco et de Metallica. Parce que ma prochaine news concerne un autre groupe de la Bay Area. Oui, oui. Et ça sera en parlant de Megadeth. Parce qu'ils faisaient partie du Big Four. C'est ça. Et plus précisément, la Mega Cruise. Qui n'a rien à voir avec... La croisière organisée du 13 au 18 octobre prochain, au départ du port de Los Angeles. Vraiment que tu fasses quelque chose. Hein, pour... Non. C'est ton métier. La croisière organisée le 13 au 18. Oui, bah non, mais tu peux faire des efforts. Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah, c'est gentil. Ah ben bah, voilà. Mais si derrière, toi, tu me le rappelles, moi, je peux te pourrir le truc encore plus, si tu veux. Bah vas-y. Tu sais que j'en suis capable. Au départ du port de Los Angeles, avec escale à San Diego et Ensenada au Mexique. À une époque, on était amis. À une époque. Voilà. Eh bien, sache que la liste des groupes participants est connue. Ah, eh ben ça, ça fait plaisir. Dans le désordre. Megadeth. Surprise. Je connais pas. Anthrax, Testament, Greenreich, Suicidal Tendencies, Dragon Force, Death Angel, Corrosion of Conformity, Doro, Phil Campbell and the Bastard Sons, Devil Driver, Amored Synth, Saint, Sacred Reich, John 5, Danko Jones, Metal Church, Tooth, Grinder, Bisto Blanco, Metallaki. Hein? Metallaki. Metallaki, pardon, excusez-moi. Metallaki et Mechanics. Entre autres, ou c'est... Bah, je sais pas s'il y en aura d'autres, mais... D'accord. Pour l'instant, c'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Franchement, ça fait kiffer. J'ai regardé comme ça un peu les prix. Bon, alors, il reste pas grand-chose, déjà. Oui, j'imagine. Mais là, on est sur des billets à 1350 pour deux personnes... Ça baisse après. Enfin, non, c'est 1350 si vous êtes deux par personne. 1350 par personne si vous êtes deux. Ah oui. 1030 si vous êtes trois. Et 875 si vous êtes quatre. Par personne. Ouais, mais pour déjà, pour des trucs qui sont moins. Moins. Comment dire. Moins. Pas le pack de base en fait. Après, si tu vas aller dans les trucs de VIP, ça monte à. 4 900 dollars, excusez-moi. Donc là, grosso merdo, on dort dans la chaufferie quoi, avec un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est ouais. Sympa. Non, après, voilà. Non, ça doit être le genre de truc. Bah, là, t'as une vue sur la mer, là, t'en as pas. Mais bon, le principe, ça, ou comme les 7000 tonnes de métal, là. Ouais. Ça... C'est carrément plus cher, je crois, hein, 70 000 tonnes de métal. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ah, je crois que ça va jusqu'à 5000, un truc comme ça. Là. Ah oui, non, ça, jusqu'où tu peux aller, c'est un truc de fou, mais peut-être que le truc de base... Ah, je crois que de base, c'est quand même plus cher que ça. Enfin bref, moi, ça me dirait bien, genre, de tester un truc comme ça. Pour... Ah bah, moi, pareil. Donc, voilà. Faudrait que je leur dise. Je tente une accred. Bob, il fait un papier, et Jacques, il fait de la faute. Ok. Je verrai bien le truc au boulot. Oui, j'ai posé des jours. Je pars faire une croisière. Je vais à San Francisco. Ça vous dérange pas ? C'est pour le taf. En même temps, je dis ça, mais je serais hyper emmerdé parce que le billet pour San Francisco, ça ne doit pas être donné non plus. Oh, enfin, c'est all inclusive. Après, tu demandes à ce qu'ils te payent le billet aussi. Du coup. Pas, non. Bah, si. Ah, je pense pas, non. Je pense, je peux me tromper. Ah ben bah, écoute, je peux me tromper. Mais demande. Bah je demande. Ok, j'enchaîne. Sans crier gare, Trivium a publié une version réenregistrée de Pillar of Serpent, l'un de leurs titres les plus populaires de leur premier album qui remonte à 2003. A noter que cette version réenregistrée était présente sur l'édition japonaise de leur dernier album, The Synth and the Sentence. Donc on peut effectivement... Je sais pas si t'as écouté les deux versions. Je crois pas, non. T'as écouté une des deux versions? C'est fort possible. La nouvelle? Je ne sais plus. Ok. C'est bon. Toi le spécialiste de Trivium. Mais c'est pas une raison, c'est, le but c'est d'échanger, pas de laisser parler. Ouais, non, mais je peux écouter un truc, mais pas m'en rappeler forcément en me disant « Eh ouais, faut que j'écoute ça, je vais noter, je vais me faire tatouer tellement... » Tu peux? Tu peux? Ouais. N'étant pas fan de Trivium de base... C'est pas le plan que t'as choisi. C'est toi, mais toi... tu es déjà fan de Trivium, donc toi, oui. Tu peux m'en parler correctement. Bah alors, j'ai écouté. En fait, je suis tombé dessus par hasard sur Spotify vendredi, tu vois. Nouveauté Trivium. Donc j'ai écouté. En plus, par hasard, le mec il va même pas chercher. Eh, je fais mon travail. La news est arrivée après partout sur l'internet. Je l'avais trouvé avant. D'accord ? Ah ouais, donc t'es un précurseur du coup. Très très court précurseur. Ouais, mais... c'est ça, ouais. À 5 minutes près. C'est ça. Et donc, en fait, on voit vraiment. J'ai remarqué vraiment une différence sur déjà l'interprétation du chant qui est beaucoup plus agréable aujourd'hui parce que Matefi se débrouille mieux, sûrement depuis son opération. Qu'il a eu au cordes vocales et même de l'époque où il était encore un peu jeune et c'était pas non plus, c'était un peu la cata à cette époque-là, enfin pas sur CD mais en live c'était la cata. Là on voit qu'il a quand même fait des progrès. Musicalement ça reste un peu la même, il y a juste, j'ai vraiment trouvé la batterie différente, mais en fait c'est normal avec Alex Dent, leur nouveau batteur. Mais j'ai retrouvé son style de jeu en fait. C'est, maintenant j'entends son style de jeu un peu détendu et du coup je me suis dit, ah merde, donc est-ce qu'en fait il a qu'une façon de jouer ou est-ce que juste il joue bien tout le temps? Parce que j'ai vraiment reconnu son style dans sa manière de faire des roulements et tout ça. Donc je me suis dit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que des fois, tu vas trouver un truc et tu vas dire, ah, c'est cool, j'adore ça. Et même dans d'autres circonstances, tu vas dire, ah oui, mais en fait, c'est pareil. Donc en fait, ça se trouve, le mec sait faire qu'une chose. Très bien, il sait très bien le faire, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un peu handicapant pour certains trucs. Bah, pas là, parce qu'on est quand même déjà sur un gros niveau. Mais après, comme c'est un vieux titre, c'est là que ça m'a le plus marqué. Et j'ai plus hâte de voir justement. Le futur de Trivium, s'il garde toujours le même batteur, et de voir l'évolution sur un prochain album, de comment il jouera. Mais là, j'avais un peu ça. Espérons qu'il t'écoute pas. Parce que... J'ai pas dit que c'était négatif. Ah ouais. J'ai dit, je ne sais pas si c'est un gimmick. J'ai l'impression de retrouver. Soit il a un style qui est vraiment. Donc, que j'arrive à identifier, ce qui m'étonnerait, mais soit il a utilisé un peu les mêmes trucs que dans d'autres machins. Vu que c'était. Sur la version japonaise du dernier album, donc c'était toujours dans le truc du dernier album, donc c'est possible aussi, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très agréable d'entendre cette nouvelle version, j'espère juste qu'ils vont pas le refaire trop, parce que je suis jamais vraiment fan des gens qui reprennent leur travail pour l'améliorer, je comprends pas forcément l'idée. Sur un titre, ça passe, mais tu vois, de dire « Ah, on a réenregistré toutes nos chansons, parce qu'à l'époque, c'était dégueulasse », essayer d'aller de l'avant, plutôt. Mais ça, c'est oui, créer plutôt que ça, c'est mon point de vue. Je peux comprendre des gens qui se disent oui, mais à l'époque, ce qu'on enregistrait, c'était dégueulasse. Oui, dans ce cas-là, fais-le vite. Mais... Enfin, tout ça, je suis un mec qui veut de la nouveauté. Je comprends. Alors qu'on refait toujours le même podcast tout le temps. Avec les mêmes personnes, tout le temps. Voilà. J'ai compris le message. Je vous en prie. Tu sais, ce week-end, je me suis dit. La vie est dingue. Ah, c'est la vie est dingue. Je me suis dit, tiens. On n'a pas trop de news de Rammstein ces derniers temps. Alors que pourtant, normalement, on devrait. Je me suis levé samedi matin en me disant. On n'a pas trop de news de Rammstein ces derniers temps. Est-ce que t'as pris de la brioche avec de la fraise? Non, juste avant en fait. Ah. Je me suis levé, j'ai remis mon caleçon et je me suis dit. Ah, tu dors sans caleçon? Non, j'en mets deux en fait. Oui, c'est pas con. Voilà. Sûrement parce que Richard Z. Crisp. Voilà. Le guitariste est occupé et il a déjà sorti son troisième album le 30 novembre dernier. Enfin, très belle date. Peut-être un peu la date préférée de l'année. Moi. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon anniversaire. Ah, c'est ça, bon anniversaire. Merci. Cool. Il s'intitule d'ailleurs A Million Degrees. Oui. Parce que ça fait beaucoup. Ça fait chaud. Ouais. Et du coup, tu peux pas trop. Pas non. Il y a même la participation de Till Lindemann, son chanteur de. Rammstein. Voilà, oh, putain, que on n'a pas trop de nouvelles ces derniers temps-ci. Non, c'est vrai, on n'a pas trop de nouvelles. Benjamin Kowalewicz de Billy Talent. C'est vrai. Qui doit en avoir beaucoup. Certainement. 3 ou 4, j'imagine. Tobias Forge de Ghost. Margot Bossieux de Dirty Mary. Je sais pas. Je connaissais pas. Bah, je sais qui c'est. C'est, son, c'est la mère de son fils. Ou de, son, de sa fille. Enfin, c'est... Ils ont été ensemble. Ah ouais, d'accord. Ça couche. Ah bah, oh, on n'en dit pas trop parce que non, je veux pas après balancer. Les gens, ça va jaser. Ouais, non, non. Et un nouvel extrait vient de sortir avec la chanson War. Ouais. Eh ben, je crois, j'ai pas, j'ai écouté qu'à moitié. Ah ouais, ouais. Non, c'est pas que c'est nul, hein, c'est juste que j'ai arrêté d'écouter parce que je suis parti faire autre chose. Mais... Ah ouais. Bah, je suis moins intéressé par ce qu'ils proposent là-dedans que dans Rammstein. Mais, D'accord. Faudrait que j'approfondisse un peu pour. Sympa. Faudrait qu'ils viennent au Hellfest 2020 et que je tombe dessus. Ouais. Tu vois. Et là, je dis, ah, bah, je vais approfondir un tiens, peu. Tiens, bah, excuse-moi. J'en avais parlé un peu l'année dernière que je devais approfondir. Et bah, l'occasion est toute trouvette. Voilà. Tu vois. Et ouais, faudrait que tu tombes dessus avec la roulette aussi, du coup. Bah, c'est ça. Ah ouais, donc il y a peu de probabilité. Oui, mais quand même sauf que si ça arrive vraiment, alors que je l'ai annoncé en 2019 pour 2020, c'est ce que ça veut dire ? Oh là là, mais que t'es un mec qui a. Alors je pensais pas ça, j'allais plutôt dire que tout est lié, que donc il faut que je rencontre Richard, qu'on discute, qu'on devienne pote, voire meilleur pote, qu'on fasse de la musique ensemble, voire d'autres trucs, et que se passe des choses. Parce que je l'avais annoncé ici. Pff, dingue. C'est possible, mais la vie est dingue. La vie est dingue. La vie est dingue. Tiens, je me lève souvent. Et toi, là, tu as écouté ce morceau ? Ouais, je l'ai écouté, ouais. Ah, alors ? Je le trouve sympa. Parce que je trouve qu'il est assez bien dosé. Ouais. Il est bien dosé niveau musicalement. Bah, il doit être bien produit. Hein, parce que... Il est bien produit et il est bien dosé. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'indus. Enfin, je veux dire, tout est bien. Tu sais, c'est pas trop indus. Ouais. C'est pas trop métal. C'est pas trop. Tu vois. Et bah, le fait qu'il chante en anglais est plus agréable à l'oreille aussi, du coup. Pour ma part, comme j'aime à le dire. Ouais. Et non, moi je trouve que même le clip en lui-même est assez chiadé. Bah, le clip était chiadé, le peu que j'ai vu était pas mal. Non, franchement, mais je trouve que le morceau... Après, je savais pas qu'il avait... N'étant pas un fan de Rammstein, du coup, et... bah, voilà, je savais pas qu'il faisait des trucs seul, avec, avec d'autres musicos, du coup. Mais voilà, je savais pas qu'il avait fait un truc... Voilà. Et là, je découvre, en fait, qu'il a... Donc c'est, le groupe, c'est, si je ne me trompe pas, Emigrate, c'est ça ? Ah, c'est ça. Ouais. Emigrate. Ça doit être leur troisième album. D'accord. Bah, tu vois, je ne savais pas. Tu l'as dit ou pas ? Mais je suis plutôt ravi de le savoir, parce que je trouve que j'ai fait une bonne découverte. Là. Bah, tu peux aller écouter l'album. Ouais, bah écoute, j'irai, parce que je trouve ça plutôt sympa. Ou même les deux autres ? Ouais, je trouve ça plutôt sympa. Bah, tant mieux. Ça me fait plaisir de bah, faire plaisir. Bah ouais, moi pareil, tu et vois. Et ce qui est marrant en plus, c'est que tu m'as envoyé un message pour me dire « Hey, on a zappé Emigrate ». Ouais, t'as vu. Mais c'était ça. Alors que t'allais en parler, que c'était tu... C'était la sortie de ce morceau ? Bah voilà. Oui, c'est ça. Ah bah tu vois. Ouais. Ah mais j'avais pas zappé, moi j'allais... Je... Ouais, mais t'es un mec comme ça, toi aussi. Bah c'est pas évident de, hein, de faire des choix. Tu sais, c'est facile en fait, hein. Je regarde les news qui sortent. J'imagine que c'est pas évident d'être puis, toi. Puis je vois le groupe et quand il me dit rien du tout, je fais « Bah non ». Et puis... C'est pas pour moi. Voilà. C'est pas pour RTH. Et sinon, je me disais, tu fais quoi le 31 mai ? Un pique-nique, ça te dit ? Pourquoi pas, s'il fait beau. Parce que sinon, il y aurait aussi le nouveau Death Angel qui sort, avec le nouvel album, donc Humanicide. Il contiendra 11 titres, dont un bonus. Je trouve ça assez amusant de le préciser. Donc ça aurait pu être 11 plus un bonus. Non, c'est 11, dont un bonus. Et on peut dire quand même que c'est plutôt rare ces temps-ci les titres bonus. D'ailleurs, si tu as envie de te faire une petite idée, le titre Humanicide, donc comme l'album, est déjà en écoute. Je ne te parle pas de l'artwork, parce que tu sais bien qu'il est également dispo. Bien sûr. As-tu écouté le titre ? Non, j'ai pas écouté le titre. Eh ben, moi j'aime bien, mais en fait j'aime bien Death Angel. Ah ouais ? Je m'en rends compte. Ah, flûte. Bah non. C'est bien. Ah ben d'accord. Pas ou pas. Mais tant enfin, mieux, c'est cool. Mais du coup, c'est pour ça que plaisir. J'aimerais tomber dessus. Ah oui. Je l'avais déjà dit. Ouais, ça et Alien Weaponry. Qui sait ? Bon, tu vas les avoir. Si je les vois, c'est que tu les auras. Ah, normalement. Comme ça, toi, t'es du genre à pas avoir de bol. Bah écoute, t'as eu Clutch, t'as eu Lamb of God. Oui. Donc. Oui, c'est vrai qu'en même temps. C'est... T'as eu Trivium aussi. Ouais, enfin là, Clutch et Lamb of God, c'est différent de Trivium. Non, mais je veux dire, pour ma part. T'as tous les trucs. Ah oui, j'ai tous les trucs. C'est ça que je dis. Ah ouais, sympa. Parce que les autres, que dalle, quoi. C'est pas ce que je veux dire, mais t'as que. Bah écoute, je vais tous les contacter pour leur dire. Fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. J'ai peur, arrête, je panique. Allez. Ouais. Dernière news. Moi, j'aime pas faire de pause. C'est vrai. Là, tu regardes les trucs. Et encore moins des longues pauses. Oui, non. Parce que quand plus c'est long, plus c'est long. Parce que c'est toujours compliqué de revenir un peu comme, par exemple, Truck Fighter. Oh, tiens. Hey. Qui bah, ils ont commencé une pause en février 2018. Alors, ils l'avaient déjà annoncé, tout le monde y pleurait, c'était la tristitude. Déjà un an quand même. Hein. Déjà un an. Comme quoi ça passe même sans eux. Ben ouais. C'est triste. Là, je me suis pas, j'ai pas essayé de me jeter d'un pont ou non. Quoi que ce soit. Non, j'ai continué ma vie. C'est ça qui est vaille bon. Que vaille, j'étais là, présent. Et je me levais tous les matins en me disant... La vie est dingue. Tiens, la vie est dingue. On n'a pas trop de nouvelles de Rammstein ces derniers temps. Genre de truc, tu vois. Et là... Je prendrais bien de la compote. De la confiture. Oh, j'ai goûté la vanille pomme, c'est dégueulasse. De quoi? La compote vanille pomme, c'est dégueulasse. Vanille pomme, ouais. Mais qui fait ça? Andros. Ah, je sais pas pourquoi ils ont pas essayé. Du temps d'antenne pour jouer. Je sais chose. Pas pourquoi ils ont essayé de faire ça. Donc voilà, donc ils ont commencé leur pause en février 2018 en ouais. annonçant qu'ils ne savaient pas si le groupe continuerait sa carrière ou peut-être après leur pause. En ouais. disant, est-ce qu'on va refaire des choses après notre pause? Bah, de mémoire, ils s'étaient pas fait voler leur matos, il n'y avait pas eu un truc comme ça. De mémoire, ils ont eu un accident, je crois. Ah. Et ils ont eu une perte de matériel, oui, certainement. Ça me parle. En tout cas, bref, c'est vraiment compromis, en tout cas. Ouais, voilà. Eh bien, figure-toi. Oui. Tu te figures ou pas? Oui. Ok, c'est cool. Au niveau du coup. Sympa. Ah oui, plus haut du coup. Plus haut du coup. Sympa. Que le groupe revient au moins le temps de faire une tournée européenne pour jouer son premier album, à savoir Gravity X. Et un passage à Paris est programmé pour le 16 octobre au Petit Bain. Est-ce que ça te hype? Ah, grave à mort la vie. J'aimerais bien qu'il passe un peu plus près, mais du coup... Peut-être pas abusé non plus. Ah, ils ont dit qu'il y avait d'autres dates. Tout n'était pas encore checké. Hein. Bah, donc, plus près, ça serait Nantes, je pense. Ouais, bah, pourquoi pas. Ouais, non, mais... Je crois qu'ils sont déjà passés, en plus. Je vois pas où ils pourraient aller ailleurs, ils vont pas venir plus près. Voilà, non, mais je veux dire, je préfère aller à Nantes qu'à Paris. Pourquoi? Parce que je préfère aller à Nantes qu'à Paris. Et déjà, 2-3, ça te regarde pas. Et 2-4, ça te regarde pas. Très bien. Ah, le mec vexé. Ok, d'accord, bah écoute. Tu l'as déjà ouvert ça là. C'est pour ça? C'est pas parce que t'avais pris. Mémoire, t'as vu? T'en veux une? Non, j'ai encore pas fini. Hein. C'est rare ça. Bah sinon, tu fais comme d'habitude, tu la laisses de côté, et puis je la boirai jamais. T'en bois une autre. Je la boirai. T'en ouvres une autre, et puis tu la bois pas non plus. Eh oh, pourquoi tu me fais passer? J'ai une réputation moi. Après, les gens, quand ils me rencontrent, ils font alors comme ça, on finit pas ses bières. Ouais. Ah. L'avantage, c'est qu'ils ne nous rencontrent pas. Alors, comme ça, on finit pas ses bières. On passe au News Hellfest. Bah écoute, pourquoi pas, c'est alors, parti. Tout d'abord, je dois dire que j'ai... En fait, Julien m'avait tagué sous... notre ami, Julien. D'après, qu'est-ce que tu m'as dit, ouais. M'avait tagué sous l'After Movie 2018 du Hellfest. Et dans le même message qu'accompagnait l'After Movie, c'était marqué qu'ils allaient rendre dispo cette semaine le Running Order. Donc, je vous parle de ça, c'était lundi, mardi ou mercredi de la semaine dernière. Et Vlatipa que vendredi, 22 mars, donc, à midi pile, le Running Order du vendredi est sorti. Et ça s'est terminé avec un message qui disait « Demain à midi, le samedi ». Figure-toi pas que le samedi 23 mars, à midi, le Running Order du samedi est sorti. C'est fou, ça. Les mecs, ils disent ce qu'ils font. Et ils font ce qu'ils disent. Et le dimanche, la même chose. Putain, donc ça a commencé à... Il n'y a plus besoin de se poser de questions. Maintenant, on sait. Voilà. Tout est noté. Tout le monde sait. Voilà. Et y a... En plus, il n'y a pas eu d'autres groupes de rajoutés. Où ils ont bien dit, c'est le full line-up. Tout est bien, tout est nickel. Pour l'instant. Donc, qu'est-ce que tu as tiré de ce premier visionnage du Running Order ou pas? Moi, je ne l'ai pas totalement détaillé à fond. Ouais. J'ai regardé un petit peu vite fait comme ça... Alors, j'ai trouvé le vendredi un peu plus compliqué que le samedi, déjà. Et j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils allaient rester le vendredi sous la vallée. Donc, plusieurs personnes à différents endroits. Mais j'ai pas trouvé de... J'ai un peu de mal à faire l'ordre des trucs. Je suis pas totalement décidé. J'ai quasiment pas regardé le dimanche. Et le samedi, à première vue, ça m'a semblé un peu plus facile. Et toi, est-ce que tu as eu des déceptions, des Ah bah, pour l'instant, comme d'hab, moi, étrangement, à chaque fois, je trouve que ça colle bien. Je sais pas, je dois avoir. Tu trouves que ça va bien, toi? Ouais, je te dis, mis à part trois groupes, alors là, je sais pas sur quel jour je suis. Dayalek. Ouais, c'est ça. Non, non, ça colle bien, D'accord. hein. Ouais. Tu dis ça parce que il y a Kiss qui passe en même temps que Cradle of Filth. Par exemple. Mais il passe aussi en même temps que Bloodbath. C'est ça. Ça, c'est plus embêtant Là, déjà. ça me rend triste. Bah, pour moi aussi. Bah, du moment que je peux voir Fu Manchu, le reste, je m'en fous, hein. D'accord. Pour moi, c'est dit. Non, parce que tu avais quand même dit que Kiss t'irait voir. Alors, T'avais... oui, bah oui. Mais c'est pour ça. Non, non, mais après, hey, oh, rien n'est fait, rien. Là, on est dans une chaufferie, je veux dire. Oui, on n'a pas encore tout. Mais de manière, on reviendra dessus un peu plus. Quand on aura écouté encore un peu plus de groupe, on fera comme on a fait les autres saisons. On reviendra pour vous dire jour par jour ce qu'on Voilà, compte faire un exactement. peu. Ce genre de truc qui n'intéresse que nous, mais bon, ça on le fait. Par contre, je voulais te poser une question. Ben, vas-y, hein. Selon toi, au mois de juin, 20h45, il fait jour ou pas? 20h45? Ouais. Ben oui. Il fait encore jour, hein? Ben, c'est le solstice. Donc il fait bien jour. C'est le jour où il fait le jour plus tard, en fait. Donc 20h45, 21h45, Il fait jour. il fait pas nuit. Non. Donc Hank Van Hell. Niveau de quoi? Bah Hank Van Hell passe 20h45, 21h45. Oui, et donc? T'avais annoncé qu'il serait de nuit. Ouais, mon gars. Ah ouais, mais je devais être bourré ce jour-là. Ouais. C'était quand? Tu peux pas quand t'as fait ta chronique. Ah merde, bah ouais. J'avais annoncé qu'il était de nuit. Ouais, t'avais dit ouais, j'annonce, il jouera tard le soir. Parce que 20h45, tu m'as dit encore il y a un quart d'heure, une demi-heure, qu'à 20h, tu étais couché. Mais moi je suis vieux. Écoute, attends, c'est tard du coup. Pas forcément, moi T'es vieux. je Donc peux. 20h45, c'est tard. Essaye pas de te rattraper. Je me rattrape pas, les faits sont comme Tu ça. voulais dire qu'il allait jouer de nuit, il va jouer de jour. J'ai pas. Est-ce que j'ai dit clairement qu'il allait jouer de nuit? Alors pour ça, il faudrait que j'écoute le Voilà, ce podcast. que tu ne vas pas faire. Que je trouve l'émission, que je réécoute le podcast, mais t'es un Alors, malade. si une bonne âme charitable qui écoute le podcast peut nous dire, on est à combien là? On est à 37 minutes. C'est encore jouable. Ouais, il peut y Je avoir pense qu'il encore y a encore des gens qui quelqu'un. peuvent écouter encore à ce moment-là. Si quelqu'un peut nous dire, et qu'il sait Ce que t'avais dit? ce que j'avais dit. Ça, tiens, bah, tant que j'y suis, si quelqu'un s'y connaît en personne très très enrhumée qui reste enrhumée. Une grand-mère, Voilà, un voilà. vieux remède qui pourrait. Mais là, je vous parle d'un truc, c'est de l'enrhumage du niveau. Ça sent la radio pour aller voir ce qu'il y a de bloqué là-dessous, parce que ça sent le gros enrhumage. C'est du niveau 12, quoi, sur 10, quoi. Voilà, donc. Et bah, donc rien de spécial à dire pour l'instant sur ce Running Order. Ah, Venom Inc. qui passe en même temps que Dropkick Murphys et Hank Van Hell. Je me demande si c'est pas ça justement, les Aïe, trois qui aïe, passent en aïe, même temps aïe, que je aïe, t'avais dit. aïe. Ultra Vomit qui passe en même temps que Cavalier Attack. Hein. Pardon, je suis désolé. Oui, t'allais dire tu vas vomir. Non, non, ça va. Ben non, j'ai bu une gorgée de bière depuis tout à l'heure. D'accord, très bien. C'est formidable. Et j'ai vu le bal des enragés qui terminait. Finissent le samedi tard le soir. Ouais. C'est plutôt bien. Bon, écoute, on va aller voir la semaine prochaine déjà. Non. Je te rappelle. Je ne suis pas là. Oui, tu es à London, Ah, c'est ça. c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine, le 6 avril. Ouais, peut-être temps que je m'en occupe. Alors. Ah bah écoute. Donc voilà, donc on reviendra un peu plus en détail plus tard. J'espère que vous n'êtes pas tous trop déçus ou que vous arriverez à vous décider. Ça va se faire. Bon, bien sûr, nous, alors de mon côté, comme j'ai dit, moi je serai sûrement devant Stinky. Et donc, bah, par la force des choses, je ne peux pas être devant Last Temptation. Donc, Que tu dis. ce sera forcément Bob qui sera là-bas pour nous représenter. Exactement. Parce qu'on est obligé maintenant contractuellement, hein, n'est-ce pas, Peter? Pas déconner. Hein. D'ailleurs, si dans le prochain, on en parlait hors antenne, mais si dans le prochain Rockard, on voit que Last Temptation a fait une interview avant de venir nous voir, attention! Et pour que tu aies ce message, je vais rajouter, je vais te taguer. Hein, parce que maintenant, c'est fini, les conneries. Et donne le temps. Je ne sais pas si ça peut coller. Si... Je ne sais pas si ça va aller. 39 minutes 58, 40. Et 40 tu le tagues et à côté, tu mets le temps. Entre... Comment qu'il ne se fasse pas trop chier s'il a pas besoin de... Ah. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, d'autres news qui n'étaient pas prévues, qui nous ont surprises tellement que c'est moi qui l'ai appris à Bob tout à l'heure. C'est dingue. Le running order du Metal Corner et le running order du Hell City Square ont été rendus disponibles en fin de matinée. Et donc là, pour le coup, on a juste survolé un petit peu. Donc il y a plein de groupes, mais il y a plein de dates. Donc je ne sais pas si tu as acheté un œil vite fait. Bah, j'ai pas eu le temps en fait aujourd'hui. Ça, j'ai été pas mal pris par le taf. Et, Ouais, non, mais ça, mais depuis que je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bah non, j'ai pas eu le temps. Non, parce que vraiment, alors, est-ce que je peux cliquer dessus pour revenir ? Hop. Parce que moi, ce qui m'a étonné, et je voudrais peut-être, alors peut-être que tu sauras m'expliquer pourquoi, pour qu'est-ce, ce qu'il en est. Mais si on part du jeudi 20 juin, ça commence par dire ta-ta-ti-ta-ta-ta, déjà, ça commence à 14h20. Au niveau des groupes ? Ouais. Étrange. Bah non, c'est, l'ouverture était plus tôt, ça s'était annoncé déjà. Ça commence à 14h20. Ouais. Ensuite, alors c'est pas là que je l'ai vu. Là, ça parle de la Fury Tent, le jeudi 21 juin. Parce que la première partie, c'est marqué jeudi 21 juin, c'est pas précisé où. Mais jeudi, après Fury Tent, jeudi 20 juin. Playlist, alors à 10h du matin, je suppose. La Fury Tent, le vendredi à 10h. La Fury Tent. Party Tent. Voilà. Mais est-ce que t'as les heures ? Ah ouais, non, c'est vrai. J'ai toutes les heures. Hein. Écoute, je pense que de toute façon, on en saura plus incessamment sous peu. Et sinon, eh ben, on trouvera. Voilà. Et donc, nous, de manière, on n'a pas eu le temps, donc on essaiera peut-être de le faire pour la semaine prochaine. Vous enflammez pas, ou la semaine d'après. Vous enflammez pas. Et on ira aussi se penser un peu plus sur les groupes pour vous ramener un peu plus d'infos sur ce qu'on. Sur ce qu'on aura appris. Voilà. Et pareil, le jeudi 20 juin, tu vois, sur le L Stage, ça commence dès 10h du matin. Donc, à mon avis, l'ouverture, elle va être de bonne heure. Hein, ouais. Voilà, donc ça, c'était pour les News Hellfest. Je crois que j'en ai pas vu d'autres passer. Est-ce que tu as vu d'autres trucs? Non, j'ai pas vu, non. Enfin, c'est déjà pas mal parce que le Running Order était quand même très attendu. Oui. Mais c'est vrai que ça fait plaisir maintenant d'enfin pouvoir dire, ah bah. Les groupes qu'on va chroniquer, on pourra dire par rapport à quoi et si on ira les voir ou pas, parce que c'est vrai que ça peut changer du coup. Ben oui. Donc voilà. Je te propose de passer à la partie Knotfest. Hey. Donc t'as préparé un truc ? Non, que dalle. Très très bien. Bon, comme d'hab. Hein. Je te tends le courrier officiel. Tu es viré. Voilà, c'est ça. Pétard, j'allais la faire. Par la présente. RTH se sépare de son membre le plus inactif, à savoir Bob. Trois petits points, Bob. Casse-toi, enculé. Signer l'avocat. Signer l'avocat. Les guacamole. Du coup, alors, aux dernières nouvelles, il reste toujours, il y a toujours 80% des places vendues pour la première. Ça fait 6 mois qu'il reste 80% des places. Alors, on est peut-être à 90, mais il n'y a pas à jour les chiffres aussi. Donc, pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest, toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et cette semaine, après Amaranth, Papa Roach, Ministry, Sick of It All, Amon Amarth, c'est au tour de Powerwolf. Yeehaw ! Powerwolf, hein, qui est un groupe de cow-boys du Sud-Amérique, bien connu, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça ? Non. Ah, j'ai dû me tromper. Voilà, j'arrive pas à chercher, moi, sur Internet. Je dois avoir un problème. Lis, c'est tout. Tu poses pas de questions, tu lis. Powerwolf. Powerwolf, c'est un groupe de power metal allemand, originaire de Saarbrück. Ben, c'est cool. Ça fait plaisir à savoir. Bah ben, oui, moi, je sais. Le groupe est formé en 2003 par Charles et Matthew Greywolf, entre parenthèses. Parce qu'en fait, ils ne s'appellent pas du tout comme ça, les gars. Non. Mais c'est parce qu'ils se sont dit, tiens, si on se donnait des noms super, trop cool, on va s'appeler Loup Gris. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont dû commencer à l'âge de 9 ans, le groupe, un truc comme ça. On va s'appeler Loup Gris, ça va être trop bien. Des gratteux, comme on dit. Alors, ce ne sont pas des frères, mais des potes. Hein, des amis jouant ensemble depuis longtemps, notamment dans le groupe appelé Flowing Tears, qui veut dire « larmes qui coulent ». Et c'est un peu ce qu'a Jack en ce moment en m'écoutant. Des larmes qui coulent. Mais ce ne sont pas des larmes de joie. Non, ce ne sont pas des larmes de bonheur. Des larmes de déception. On sent de leur décision de former un autre groupe, Powerwolf. C'est là que Benjamin Booth, ou Benjamin Bus, devient Matthew Greywolf et David Vogt devient Charles Greywolf. De David, il parle à Charles. Bah écoute, les mecs. Bon. Oui, c'est ça. Ils ont le droit. Hein. Exactement. Peu après, ils recrutent un batteur. Ce qui a... C'est pas mal dans un groupe d'avoir un batteur. C'est pas mal. Hey, tu nous donnes le rythme. C'est pas mal. C'est vrai que ça sonne mieux. Moi, j'aime bien ce que... Un claviériste, oui. Mais ne parvient pas à trouver... De chanteur. Eh ben ouais. Bah oui. Du coup, ils allaient faire du Brand Bjork. Mais ils se sont dit non. Ou du My Sleeping Karma. Ou du My Sleeping Karma, tout à fait. Possible. Et c'est lors d'un voyage en Roumanie. Et... Ça fait peur. Bah, c'est toujours très effrayant. Ouais. Ouais. Que la paire Greywolf font la rencontre d'Attila Dorn, de son vrai nom, Karsten Brill. Ce dernier déménage dans la ville natale du groupe, Sarrebruck. Eh bah oui. Pour rappeler d'où il viendait. Ouais. D'ailleurs, savais-tu que Sarrebruck est un nœud de communication desservi? Parle pas des trains régionaux, des TGV, ni de l'aéroport. Sinon, de quoi allons-nous parler pendant l'apéro? T'as sauté des lignes. Non. Mais non. Ah, pardon. Powerwolf. Powerwolf est un groupe de Powerwolf. C'est toujours dur, hein. D'ailleurs, savais-tu que Sarrebruck est un nœud de communication desservi par les autoroutes françaises A4 vers Paris via l'A320 et allemande A1, A6 et A8? Non, je l'ignorais. Tu ne le savais pas? Je ne te parle pas des trains régionaux, des TGV, ni de l'aéroport. Sinon, de quoi allons-nous parler pendant l'apéro? Merci de le rappeler. Ça fait toujours du plaisir. Powerwolf est donc un groupe utilisant abondamment les chœurs, les orgues, ce qui va plutôt bien avec la passion d'Attila pour les légendes roumaines sur les loups-garous, et les nombreuses chansons s'inspirent des chants religieux et comportant parfois des parties en latin. C'est vrai. Le tout que tu peux retrouver sur déjà pas moins de 8 albums, 2 lives, 3 compilations, et quoi qu'il en soit, les fans du groupe, voire les fans de power metal, ou de musique festive, comme dirait un certain Joe, à toi mec, représente, vont être ravis car entre Powerwolf et Sabaton, il va sûrement y avoir de la puissance métallique durant ce Knopfest à Clisson. Eh, hey, c'est vachement bien écrit. Ouais, merci, c'est gentil. Là, ça me fait plaisir. Ouais, c'est, c'est vivant. Ouais, puis on voyage, t'as vu, il y a de la géographie, il y a du trafic autoroutier, bah, tout ça, alors, c'est vrai, sympa. Alors que t'aurais pu t'arrêter à quelque chose genre, ouais, c'est un groupe de power metal, Ouais, mais je suis pas comme ça, moi. Non, toi, tu vas au bout des choses. Non, je vais au bout du bout des choses. Et donc, alors, qu'est-ce que t'en as passé de Powerwolf? C'est génial, j'adore. Je suis un gros, gros fan. D'accord. C'est marrant, j'ai l'impression que tu me crois pas. Pas du tout. Ah, merde. En fait, t'as totalement raison. Quoi, t'as pas aimé? Die, crucified. Alléluia. Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Alors, en live, par contre, ça match pas mal. Ouais. Parce que, bon, l'ambiance est là, machin, truc. Je les ai vus, je les ai découverts, en fait, en live, au Hellfest, je ne sais plus, 2012, je ne sais plus. Et j'étais resté devant en me disant, tiens, pourquoi pas? Un groupe que je ne connais pas, avec des mecs en costume, en maquillage, machin, pourquoi pas? Et du coup, ça a bien fait le job. Hein. Je suis pas fan en CD, je vais pas, moi, de mon propre chef, me dire, hey, je vais me mettre du Powerwolf, ça va être trop sympa. Ou me lever le matin en me disant, tiens, on n'a plus de nouvelles de Rammstein. Si je me mettais un petit Powerwolf. Ah bah, c'est vrai. Non? Non. D'accord. Mais en même temps, c'est vrai que le power metal, c'est pas un genre que t'apprécies beaucoup. Pas vraiment, non. Mais non. Est-ce que t'as quand même trouvé des trucs... Est-ce que, déjà, qu'est-ce que tu as pu écouter? J'ai écouté pas mal de trucs, je crois, de Powerwolf quand même, malgré tout, parce que en écoutant de la musique en aléatoire, on tombe souvent Sur du Powerwolf. sur du Powerwolf et ça, on reconnaît bien. Hein, Oui. Powerwolf, c'est vraiment un style bien, bien défini et, au niveau du chant, au niveau de la musique, on reconnaît hein, Powerwolf. Et à chaque fois, je me dis, ah tiens, attends. Et non, j'apprécie pas plus que ça, ça me parle pas, c'est voilà. D'accord. Ouais. Bah, pour ma part, moi, je me suis. Enfin, j'ai remarqué que il y a des deux, trois titres comme ça que j'aimais beaucoup, enfin, dans le sens où ça passait super bien. Je trouve qu'en fait, c'est le mélange qui, sur le papier, me ferait dire non, c'est pas pour moi. En fait, là, bah, comme tout à l'heure, ce que je mettais, je trouvais que ça marche bien, en fait. Déjà parce que c'est extrêmement bien produit. Le son est Oui, non, c'est propre, hein, mais pour. impeccable. Et en fait, j'arrive à faire abstraction des choses que j'aime moins. Parce que je trouve que le mélange, pardon, un peu comme tu disais tout à l'heure pour Emigrate, je trouve que c'est hyper équilibré. Justement, c'est pas trop. En fait, musicalement, j'aime bien. Et ce que je pourrais ne pas aimer est équilibré avec ce que j'aime bien. Donc, ça fait un truc qui marche plutôt bien pour moi. Par contre, j'ai remarqué qu'en essayant d'écouter des albums en entier, je décrochais au bout d'un moment parce que ça Ouais. faisait trop. Ouais. Donc, j'aime bien écouter un peu comme ci, un peu par là, mais pas Ouais. trop. Ouais, je suis un peu dans cet Tu esprit-là vois, aussi, ouais. c'est plus en fait sur trop. Non, j'aurais du mal à écouter un album en entier, j'aurais du mal à écouter deux albums en entier, du coup. Oui. Mais ouais, donc Trois. je pourrais aller écouter un ou deux titres comme ça de temps en temps, ça me dérange pas, mais je suis pas méga fan. Par contre, j'ai excessivement envie de les voir en live parce que je trouve que c'est vraiment un groupe taillé pour le live. Ah, ça passe vraiment bien en live. Donc, bah ça, Oui, je mais je suis trouve que resté ça devant, sent. donc. Je trouve qu'ils ont des titres justement qui sont faits pour faire réagir le public, pour qu'ils Et le répondent. public est ultra réceptif. Ah ouais, De ce non, que j'en ai vu, franchement. je pense que ça doit super bien marcher de ce côté-là. Et justement, après, par la suite, peut-être qu'une fois, quand tu as vraiment aimé et kiffé ton concert, peut-être que là, du coup, tu réécoutes et que c'est beaucoup plus ton style, tu vois. Parce que Alors moi, ça te parle. comme je te dis, je les ai découverts en live, donc je les ai réécoutés derrière, en me disant, bah non, du coup, ça, moi, j'ai adoré en live, enfin j'ai adoré, j'ai bien aimé, je suis resté devant, j'ai passé un bon moment, sans me dire, ah c'est génial, c'est super, j'adore, je kiffe, je vais acheter tous les albums en revenant à la maison, non, c'est juste que j'ai passé un bon moment, c'était sur l'instant présent, tu vois, comme je pense, ça peut arriver beaucoup de fois au Hellfest ou dans n'importe quel Ouais. festival, tu passes un bon moment. En regardant un groupe que tu connais pas, en découvrant, en le voyant sur scène, en disant ouais, ça match bien avec le public est réceptif, le groupe fait son show nickel, enfin je veux dire, voilà, comme certains ne font pas. On parlera pas de Monsieur Manson, par exemple, Pensais à System of a Down, ou à System of a Down, par exemple aussi, voilà, tu as des groupes comme ça qui. Tiens, d'ailleurs, tu vois, regarde, il y avait une news sur Marilyn Manson, et ben je l'ai pas mise. Tac. Ah ouais, c'était quoi? Bon, soit il a fini son nouvel album, soit il y travaille, enfin un truc qui m'intéresse pas. Ah oui, j'ai cru voir ça aussi, ouais. Ouais, pareil. Enfin, donc voilà. Mais ouais, pour dire que Powerwolf, sur. Alors, ils sont passés il n'y a pas longtemps en France. Oui, là, il y a très récemment, ouais, Il y a c'est. un mois ou deux, je Ouais, crois. ouais, ouais, ouais. Et j'ai vu plein de commentaires. C'était. Par contre, j'ai vu qu'ils passaient avec Amaranth. En première Enfin, partie, ouais. voilà. Et Et c'est. sur leur avant-dernier album, ils ont sorti en complément du CD un disque bonus où différents groupes reprenaient des titres d'Amon Amarth. Creator et justement Amaranth qui reprenait un de leurs titres. Donc après, ils ont le droit d'être amis. Ah, tout à fait, tout à fait, je n'ai rien contre Mais bon, ça. on a bien vu quelqu'un qui nous a dit que c'était horrible Amaranth alors qu'il était venu voir Powerwolf, tu vois. C'est vrai. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à pouvoir aller voir un groupe comme Powerwolf en concert. Ouais, qui est vraiment plus branché métal. Ouais. Dans le sens musical. Ouais, non, Je non, veux mais dire, ce que je veux dire, c'est ça que je sonne pense pas. que si Powerwolf passait pas très loin, alors plus près, je pourrais y aller. Avec en première partie Karma to Burn, du coup. Oui. Comme ça, tu ferais d'une pierre deux coups. Bah oui, Nickel. ça serait parfait. Ouais. Mais. Et du coup, es-tu quand même content de les voir au Knotfest? Ouais. Bah oui. Tu sais qu'on sera obligé à un moment donné de faire une comparaison avec Sabaton, je pense. Alors oui, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis Ouais. dit, merde. Ouais, il y a quand même une grosse similarité, enfin une similitude entre les deux groupes. Ouais. Enfin, pas sur les thèmes abordés ni rien, mais Non, c'est plus la Seconde musicalement. Guerre mondiale, je crois, hein, Sabaton, Ouais, donc bah, tout ce qui est guerre, tout ce qui est char, tout ce qui les est soldat. chars. Bah, Et au tout ce qui est pire, on festif. invitera Joe pour nous en parler. Oh, je veux bien qu'on l'invite, mais il viendra pas. Je veux bien, je peux tenter. Hein. C'est dommage. Bah, en plus, il travaille en décalé avec moi. Donc, Ça, c'est la flûte. Ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, bref. Donc, donc Powerwolf, une demi-bonne. Oui, en live, non en CD. D'accord, très bien. Enfin, en CD. En... Oui. Voilà. Mais à dans une maison. Playlist. Oui, en live, non à la maison. Mais dans une playlist. Un morceau comme ça, oui, ça, je ne vais pas le zapper. Alors, je vais l'écouter jusqu'à la fin. En reprenant en cœur. Ah, die, die. Die, die. Crucify. Crucify. Alléluia. Alléluia. Très bien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on passe aux chroniques. Tu crois ? Bah, ça fait déjà 55 minutes. Ouais, donc ça fait passe, trop. Hein. Ça fait trop. Bah ouais. Tu commences ? Ah bon. Ouais. Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer avec Lamb of God. Bah tiens. Je t'en prie. On va commencer par les meilleurs. C'est bien. Ah. Alors, Lamb of God, qui est un groupe, hein, on est d'accord. Jusque-là, je te suis. Voilà. Donc, de groove metal, metalcore, thrash metal, death metal américain. Hein. Donc, qui ont commencé sous le nom de Burn the Priest. Ah, il y a un album qui est sorti de Burn the Priest. Quand ? L'année dernière. Ah ouais, dingue. On en a parlé un petit peu, je crois. Ouais, c'était sympa. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Donc, Lamb of God, donc souvent abrégé, Loge, L-O-G. Pourquoi, je ne sais pas. Aucune idée. Donc, voilà. Il est un groupe originaire de Richmond, en Virginie. C'est intéressant. Il paraît que c'est très beau. Qui a été formé en 94, sous le nom, je vais le dire, de Burn the Priest. Le groupe est composé du chanteur Randy Blitz, des guitaristes Mark Morton, on en a parlé, ça. Et voilà, et Willie Adler, du bassiste John Campbell et du batteur Chris Adler. On en a déjà parlé. Ouais. Le groupe est considéré comme influent dans le mouvement New Wave of American Heavy Metal. Ouais, c'est vrai. Depuis sa création, Lamb of God recense un total de 7 albums studio, dont un sous le nom de Burn the Priest. Hey. Ouais, tout à fait. Un album live, une compilation et 3 DVD. Parce que c'est des mecs qui aiment bien les DVD. C'est vrai. Le nombre de ventes aux États-Unis dépasse les 2 millions d'exemplaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Correct. Donc en 2010-2011, le groupe est nommé aux Grammy Awards pour leur chanson issue de l'album Wrath. Lamb of God participe 2 fois au Ozzfest et 1 fois en tournée Not Alliance de Slayer en 2006. Mais tout ça, c'est du vieux. Et c'est du passé. D'accord. Voilà. Ouais, bah écoute, mis à part le petit souci que tout le monde connaît, hein, si on connaît Lamb of God. Bah oui. Voilà. Bon, même si on connaît pas, ça fait assez de bruit quand même. Ça a fait assez de bruit. Ouais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. Lamb of God, ça reste s'ils se considèrent comme un des groupes les plus influents du pur metal américain. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que ça sonne tel quel, hein. C'est vraiment du pur metal. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi. Je l'ai découvert sur le tard, moi, Lamb of God, je l'ai découvert à travers toi. Je t'avouerai que moi aussi. Donc, c'est à ton contact que j'ai beaucoup. Je connaissais en fait 2-3 morceaux que j'avais justement entendu de ci, de là. Ouais. Et c'est à ton contact que j'ai beaucoup plus approfondi avec le dernier album que j'ai trouvé vraiment bien et qu'après je me suis penché sur le reste de la discographie. En fait, moi, c'est Résolution, étrangement. Et donc, ils sont passés l'année d'après. Wellfest. Ouais, bah, on les avait vus ensemble. Ouais. Et je voulais les voir déjà l'année d'avant, donc ils sont passés en 2012, je crois, au Hellfest, juste avant Ozzy and Friend. Ouais, c'était pas Black Sabbath, je crois, c'était Ozzy. Et il avait pissé des cordes, il avait flotté à fond. Non, Ozzy passait et Lamb of God jouait juste après. D'accord. Donc voilà, et je voulais les voir absolument, je me suis dit, putain, faut que je reste. En fait, il avait flotté un truc de dingue, et du coup, on était obligé de rentrer parce que. Ça pissait et j'avais loupé Lamb of God et j'étais vert. Putain. Donc voilà, l'année, du coup, 2 ans après, ils ont sorti justement Resolution. Et c'est là que j'ai vraiment découvert Lamb of God parce que j'avais zappé en fait. Ouais. Toutes ces années, ces 2 années. Et j'ai acheté l'album et c'est là que je me suis vraiment intéressé à Lamb of God. Donc du coup, j'ai acheté quasiment tous les albums. Et je suis un fan de Lamb of God. Sauf Burn the Priest. Sauf Burn the Priest. Déjà, en fait, c'est pareil, j'ai découvert il y a quelques années simplement qui s'appelait à la base Burn the Ouais, Priest. mais t'as quand même Parce que pas j'avais acheté. pas approfondi T'as pas acheté l'album pour autant. J'ai pas acheté l'album pour autant. Bah, les deux, parce qu'ils en ont sorti un en 99, Ah oui. sous le nom de Burn the Priest, justement. Enfin, éponyme, quoi, du coup. Et ils ont sorti le fameux album de reprise qu'ils ont fait, voilà, il y a 2018, je crois. Oui, je pense aussi, voilà, de mémoire. Donc voilà, mais ouais, non, bah, que dire sur Lamb of God, mis à part que ça dépulpe les nichons, hein, Bah, que tu vas aller les voir. c'est. Ouais. En Bah. espérant que le son soit là. Oui, c'est ce qui t'avait déplu en 2015, c'était Ouais, le c'est le vent. vent, je pense. Ouais. Donc voilà. Et ben, très bien, on peut ajouter qu'ils joueront le dimanche en Main Stage 2 à 20h45 jusqu'à 21h45 face à Emperor et Beartooth. Donc tu seras sûrement devant. Je pense, ouais. Très Enfin, bien. c'est même sûr, parce que, ouais, Et ben j'adore écoute, ce groupe. si t'as rien à ajouter, je vais enchaîner. Non. D'accord, donc c'est un groupe que tu recommandes. Complètement. Très bien. Complètement. Donc moi, j'ai passé à mon premier groupe, Immolation. Eh ben, bravo. Mais j'y peux rien. Immolation, du latin immolar, qui veut dire saupoudrer de farine salée consacrée. Ou offrir en sacrifice, et donc un sacrifice religieux. Donc Bob est parti pisser dans l'évier. Voilà. Mais ce soir, je vais plutôt parler du groupe Immolation, qui est un groupe de death metal américain originaire de Yonkers, dans l'État de New York. Formé en 86 sous le nom de Rigor Mortis par Andrew Sakovic, bassiste et chanteur, et Dave Wilkinson, batteur et bah, pas chanteur, et Robert Vigna à la guitare, donc toujours pas chanteur. Après l'enregistrement de la démo Warrior of Doom, Andrew le bassiste quitte le groupe, qui change de nom en 1988 pour Immolation, qui veut dire saupoudré de farine salée consacrée. Andrew sera remplacé par Ross Doohan au poste de bassiste-chanteur. A noter d'ailleurs que Ross restera donc de toute l'histoire du groupe. Le groupe publie son premier album en 91, Dawn of Possession, puis le groupe restera silencieux pendant 5 ans avant de publier en 96 Here and After. Quelques tournées pendant un an, puis une longue attente avant de sortir Failure of God en 99, puis en 2000 Close to a World Below, leur quatrième album. 2002, cinquième album, 2004, un petit DVD. 2005, sixième album. 2007, Shadow in the Light, septième album. Et Hope and Horror, un EP. 2010, huitième album. 2011, nouvel EP, Providence. 2013, voilà le neuvième album. Et 2017, le dernier en date, Atonement. Immolation se caractérise par des riffs dissonants, harmoniquement, souvent en parallèle à deux guitares, et un son très sombre et très rugueux. Et bah en fait, c'est un peu ça. Le problème, c'est que moi, ça rentre dans la case, on va dire, des groupes de death metal. Bah, ce que je trouve des fois, alors ça va pas forcément être le cas, mais moi, ça me faisait penser un peu à du brutal death metal de temps en temps, parce que ça me faisait penser à mon avis que j'avais sur un autre groupe que j'avais pas trop aimé la dernière fois, que j'ai oublié. Cannibal Corpse? C'est pas, non, c'est quoi, c'est Cannibal Corpse que j'ai vu la dernière fois. Ouais, bonne question. Enfin, bref, en tout cas, ça m'a. Je suis pas du tout rentré dedans. Étonnamment, je trouve ça pas assez diversifié sur une chanson pour que ça me parle. En fait, je trouve c'est ça démarre, il y a un riff, t'as la batterie qui fait plus ou moins toujours le même truc, et après le chanteur qui vient, bah, qui a pas trop de tessitures différentes, et que ça se répète un peu toujours pour moi, et j'arrive pas à me reconnaître du tout là-dedans. J'y trouve pas du tout ce que j'aime en musique. Il y a pas assez de variations pour moi. Je sais qu'il y a totalement un public pour ce genre-là, mais c'est pas ma came. Donc moi, j'ai pas accroché. J'ai essayé d'écouter le dernier album, puis de revenir en arrière, puis d'y retourner. Et en fait, à chaque fois, j'ai le même avis, quoi. Et les seules fois où j'ai eu un avis un peu différent, c'est quand j'avais fini un album et que j'arrivais sur un autre groupe. En fait, dès que j'arrivais sur un morceau où il y avait justement des variations, des trucs qui me plaisent plus, qui soient moins bah, carrés ou moins, comment dire, toujours la même chose, quoi. C'était en fait que Spotify était passé à un autre groupe. Ouais. Donc, Immolation, ça sera sans moi parce que bah, c'est pas. On prend une IPA, qu'est-ce que tu te Oh, fais? bah. Oh, fais-toi plaisir. Merci, Ouais, Lani. donc Immolation, c'est pas pour moi. Et ça passe le dimanche, soit le tard, à 17h40 jusqu'à 18h30. En face, il y a Stone Temple Pilot et Acid King. Donc, Il y a de quoi. si j'ai. Ouais, il y a de quoi aller voir. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Voilà. Ok. Tant pis pour eux. Tu peux enchaîner. Ok. Je vais enchaîner avec Dark Tranquility. Alors bon, bah, je vous avouerai que Dark Tranquility, c'est un groupe suédois. Non, je n'avais pas. On va les présenter. Il m'a fait peur. Donc, Dark Tranquility est un groupe de death metal mélodique suédois. Ah, voilà. En activité depuis 89. Tiens donc. Voilà, donc il y a des Michael, il y a des Niklas et des Anders. Et un Martin. Il y a un Anders. Ouais. Oui, il y a un Anders. Ouais. Il y en a deux même. Il y a Anders Iwer et il y a Anders Jivarp. Et dans les anciens membres, il n'y a pas. Il y a un Anders, Frieden. D'accord. Il y avait trois Anders en fait. Bon, comme quoi, Anders doit être certainement un prénom réputé en Suède. Ouais, ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Très bien, je te laisse continuer. Ça va. Parce que j'attends quelque chose de mémoire, il y a quelque chose, donc... Ah, d'accord. Tu veux qu'on parte sur quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur Dark Tranquility. Hein. Mis à part qu'il faut que j'écoute, parce qu'ils ont une sacrée discographie. Comment ça, mis à part qu'il faut que t'écoutes ? Ah, parce que j'ai écouté en aléatoire. Donc, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je reprends depuis le début, mais là, j'ai pas eu le temps cette semaine. Comme beaucoup de fois où j'ai pas eu le temps cette semaine. Parce que j'ai beaucoup de semaines dans ma vie. Il y a des matins où je me lève comme ça en disant putain, j'ai pas beaucoup le temps cette semaine. Mais ils ont quand même 2, 4, 6, 8, 9, 10 albums. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Hein bon, non, c'est pas rien. Depuis pas... 89, donc c'est un peu normal aussi. Ils ont 2, 4, 6, 8, 7 démos. Et EP, et ils font partie de compilations. Donc voilà, c'est pas un groupe de n'importe quoi quand même. Non. De mémoire, je crois qu'ils ont switché hein, avec deux chanteurs. Ah là, c'est ça. Les deux chanteurs ont switché au début, je crois. Il y avait le chanteur de justement Dark Tranquility qui est parti dans In Flame et le chanteur d'In Flame qui est venu dans Dark Tranquility. Voilà. Hein, de ce que j'en ai lu. C'est ça. Il y en a un qui a fait un meilleur choix que l'autre, je crois pas. Ah bah après ça dépend de qui ouais. T'es fan, si t'es fan d'Inflame forcément, voilà. Mais ouais donc, et apparemment ils jouaient plus un thrash metal au début, de ce que j'en ai lu. Ouais, enfin de ce que trash que... Enfin, non, non, j'ai lu, bah, moi c'est ce que je fais en ce moment, c'est que je lis plus et du coup j'essaie de mémoire. Donc voilà. Et puis là, oui, le fait de le revoir, ça me rappelle ce que j'ai lu. Ça rappelle que tu l'as déjà lu. Ouais, je l'ai lu ça, c'est trop bien. Donc voilà, que dire ? Bah, ce que t'as écouté en aléatoire, t'en as pensé quoi ? Ouais, non, bah j'ai... Malgré les claviers... Il y a des claviers ? Ouais, mais ils sont pas trop présents, donc ça va. Ils sont beaucoup moins présents que chez un Dimmu Borgir ou un truc comme ça. Donc voilà, mais... C'est pas le même style, en même temps. Hein ? C'est pas le même style. Ouais, c'est pas le même style. Non, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parmi mes 200 000 groupes que j'ai envie d'écouter, qu'il faut que j'écoute, faut que j'écoute justement Dark Tranquility parce que je connaissais depuis, ça fait des années que je connais ce nom, bah oui. Mais sans aller forcément chercher plus loin parce que bah, la curiosité n'était pas là pour ce style. Et là, de ce que j'ai écouté, bah, j'ai trouvé ça passe bien. Ouais. Ça passe bien, vraiment, c'est pas chiant, la voix est bonne, musicalement, ils font le taf correct, c'est une bonne énergie, après voilà, ça passe, donc du coup, je pourrais pas te dire si j'irai les voir, bah, écoute, pas pour l'instant. Moi, hein. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils passent le samedi sous Altar, à 21h50 jusqu'à 22h50, ils commencent sur la fin de Def Leppard et le début de ZZ Top. Et en parallèle, il y a aussi le groupe Envy que j'avais déjà chroniqué, que j'avais plutôt bien aimé. Donc voilà, je pourrais pas te dire où je serai, mais peut-être que il passe sous Altar. Ouais. Eh ben, peut-être que je serai sous Altar. Ouais. Genre, j'ai pas eu le temps, moi, d'écouter. J'aurais voulu écouter justement pour faire un avis et j'attendais un peu de ton retour. Mais, du coup, bah, je vais aller écouter. Non, non, mais franchement, non, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça bien, bien, bien fait. Et je te dis, la voix est pas dégueulasse, il y a pas de. C'est assez harmonieux, c'est pas, ils font un peu le. Voilà, ils font bien leur taf, quoi. Et, d'accord. Et c'est tout à fait dans le death metal mélodique, tu t'attends à du death metal mélodique, un peu comme j'avais découvert l'année dernière At the Gate. Ouais. Je trouvais ça bien, bah, là c'est un peu le même principe, on va dire, quoi. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est pas dégueulasse, je trouve ça intéressant. Et je pourrais écouter un album entier sans, voilà, sans zapper le truc, tu vois. D'accord, très bien. Eh ben, merci. Non. Non, me remercie pas. Non, mais je prends sur moi. Hein, je... Bah, j'espère. Bah, je vais passer à mon deuxième groupe. C'est plutôt désolé, je dois dire. Attends, oh là, faut que je me bouche. Ouh là là. Ah. Ouais, j'ai envie d'éternuer en plus. Oh les gars, je suis en roue libre là, Mon deuxième groupe est The Dwarf. Tu t'arranges pas, la semaine dernière, c'était déjà pire que ça. Ah, mais c'est encore pire que la semaine dernière. Ah, mais faut que je retourne au médecin, je suis obligé. Mais pourquoi tu fais ça? Quoi, aller au médecin? Non, mais comme ça, je veux dire. Je sais pas, je me demande si je suis pas allergique. Allergique? Au con. Con. Et adieu ceux qui en a. Surtout autour de toi. Je préfère pas répondre. Alors, bon, attendez, je vais me boucher un peu parce que c'est plus possible. J'arrive plus à respirer. meubles, toi, meubles. Bah non, mais j'attends. Alors, Powerwolf. Powerwolf est un groupe de Power. C'est juste pour. Tu l'as déjà dit. Ah merde. Vous voulez que je vous rappelle éventuellement. Non, ça c'est une chronique à moi, c'est nul. Attends, bouge pas. J'en ai une là. Papa Roche. Non, c'est bon. Hein, c'est bon. Alors, The Dwarf est un groupe de punk rock américain originaire de Chicago, dans l'Illinois, même s'ils sont actuellement basés à San Francisco, en Californie. Ça m'étonne pas. Tout le monde est à San Francisco. Hein. Bah parce qu'il y a le Golden Bridge Gate. C'est ça. Alors, formé à la fin des années 80 par des teenagers sous le nom de The Suburban Nightmare, tu savais très bien, comme groupe de garage punk, sûrement parce qu'ils jouaient dans un garage. Et qui faisait du punk. Un son retrouvé en partie dans leur premier album Horror Stories, sorti en 86 sous leur nom actuel de The Dwarf. Après ce premier album, le groupe entame une tournée nationale aux États-Unis qui dure plus de 7 ans. Alors, à ce moment-là de ma chronique, je tiens à préciser que je ne suis pas sûr de ce que je vous lis, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de conneries. The Dwarf laisse derrière eux une voie de sang à partir de leur entaille auto-infligée. Des histoires de drogue, selon un mythe populaire, leur bassiste aurait disparu à Détroit durant une tournée en 92 lors d'une fête où la drogue coulait à flot et on n'entendit plus jamais parler de lui. Une autre histoire d'actes sexuels bizarres lors de leur prestation scénique et une autre sur leurs nombreux shows publics ne dépassant pas les 15 minutes. Les Dwarves s'autodétruisent rapidement après un canular raté. Le groupe publie un communiqué de presse selon lequel le guitariste He Who Cannot Be Named, c'est son nom, était mort. L'album suivant, Sugar Fix, qui est déjà le sixième album en 93, comportait aussi un hommage au guitariste, qui est bien sûr toujours vivant. Sub Pop, leur maison de disques de l'époque, pas du tout amusée par tout ceci, laissa tomber le groupe, qui se reforme plus tard pour sortir l'album Young and Good Looking en 97. Ils continuent de publier régulièrement des albums, le dernier remonte à 2018 pour un total de 17 albums environ, 4 EP et 2 DVD. Le groupe est composé de Black Dahlia, Paul Cafaro, et du guitariste He Who Cannot Be Named en tant que membres centraux, et la formation change régulièrement autour d'eux. Actuellement, elle est constituée des musiciens Fresh Prince of Darkness, Vrek Tom et Clint Torrest, Rex Everything, ou Nico Viveri de son vrai nom, et membre intermittent du groupe qui vient et part au gré du temps. Donc, c'est exactement un groupe de garage punk et qui a un peu varié maintenant vers un groupe de punk à roulette, un peu plus, plus facile, un peu punk rock, pop punk même, on peut dire maintenant, parce que moi, par exemple, leur premier album, je l'ai moins aimé, c'est moins mon style. Par contre, leur dernier album, je le trouve beaucoup plus sympa, plus de ce que je pourrais écouter dans le punk. Donc, c'est forcément plus du punk à roulette, parce que je suis moins punk pur et dur. C'est hyper efficace. C'est un vrai bon groupe de punk que tu as envie d'aller voir pour passer un bon moment. Tu sens qu'il va y avoir de l'énergie. Alors si en plus ils sont complètement fous sur scène et qu'ils ont des trucs... tiens, d'ailleurs ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'un truc. C'est ce que j'étais en train de penser. Voilà, oui, donc faudrait en parler. C'est un moment joli. on va en parler après les chroniques. Ouais. Donc, ça a l'air d'être un peu un groupe de tarés qui doit être un peu foufou sur scène. En plus ils ont des visuels assez marrants, toujours avec des... fille à moitié nue et un nain, et soit il y a du sang, soit il y a des bulles de savon, soit il y a des trucs, et même dans leur clip ils ont une espèce de d'imagerie un peu déconnante, donc quoi, pas déconnante, ah bah... Enfin, je les ai vus en live ça en vrai, pas. et je les ai vus en live pour faire le curieux Ouais. sur certains live concerts. Alors, ça déconne pas. Ça déconne pas dans quel sens? Ah bah dans le sens où ils vont chercher les mecs dans le public et ils se fritent la gueule avec eux, quoi. Où ils vont choper les mecs qui montent sur scène et ils vont se taper avec, quoi. Ben, j'ai pas vu ça. Eh ben, merci pour ce petit plus. Ah non, The Drive, pour ça, c'est un groupe de grands, grands malades. Ouais, mais dans les clips, ils ont l'air de déconner. Ah oui, dans les clips, parce que Ah bah. c'est écrit. Bah oui. Mais en live, c'est pas écrit. Non, et c'est l'histoire de la vie. Ah, c'est C'est ça, très beau. le cycle éternel. Du coup, ils passeront vendredi en Warzone à 13h35 et 14h15. Ça va être un peu au réveil pour eux, je pense. Ça va être. J'espère qu'ils seront d'attaque, ouais. En face, il y aura Wada et Sonata Arctica. Donc il y a quand même des chances que pour la digestion, on soit là-bas. Certainement. Puis moi, ouais, The Drive, j'ai envie de la revoir. Ouais. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très sympa, très agréable. Je suis vraiment plus fan de la deuxième partie du groupe, donc plus récente que de la première, mais j'aime bien dans l'ensemble. Et toi, toi qui connaissais déjà, donc... Ouais. Ouais, bah, je les ai découverts. Bah, c'est pareil, hein, c'est pas très. C'est assez récent, c'est 2010, hein, je crois, là, ma découverte de The Drive. Donc, The Drive, pardon. Ouais, c'est pas facile à dire. The Ouais, Dwerve. et du coup, non, ouais, j'aime bien l'esprit, ouais. J'aime bien l'esprit de. L'esprit de la bagarre. Ouais, l'esprit des mecs qui n'ont strictement rien à foutre et qui. C'est vrai. À coup de ranjo dans la gueule pendant les concerts, je trouve ça rigolo. Enfin, c'est toujours plus rigolo quand tu le donnes que quand tu le prends. Ouais, bah c'est exactement ce que je veux dire. Parce que, ouais. Voilà. Eh ben, très bien. Quelque chose d'autre à ajouter? Ouais, c'est de la merde. Très bien, bah, c'est assez contradictoire avec ce que tu as dit avant, mais d'accord. Et ben, passe à ton troisième groupe alors. Tout à fait. Alors, bah, mon troisième groupe, ce sera mon quatrième, parce que du coup, je suis tombé dessus. C'est Black Rain. D'accord. Bah, j'attends. Voilà. Ah, t'attends Cocorico? Cocorico! Yeah! Ouais! Bah, si, ils sont Si, français. si, si, ils sont Ils sont français. français. Ah ouais, ils sont français. Donc, c'est un groupe de glam metal, C'est vrai. hard rock, Ouais. hein, speed metal. Ça, Bah, je l'ai c'est... moins vu, hein, Oui, enfin, ça je l'ai se moins ressent. entendu. Ça se ressent un peu moins. Voilà. Donc ils sont en activité depuis l'année 2001. D'accord. Voilà. Donc, que dire de Black Rain, mis à part qu'ils sont d'Annecy, en Haute-Savoie. Oui, Voilà. peut-être. Je sais pas, je connais pas le groupe. Bah, ils sont d'Annecy, en Haute-Savoie, Ah, cool! paraîtrait-il. C'est sympa, là, de Voilà. savoir. Donc, formé en 2001, hein, je l'ai déjà dit. Voilà. Et plus ça va, plus je trouve que tu sais délicher la petite info en plus. Tu vois? Mais sur mes chroniques. Ouais, sur les miennes, je fais pas d'efforts. Les membres Swan Alien, guitare et chant, et Max Two ou Deux, parce qu'on est guitare, jouent des reprises du groupe telles que Motley Bah tiens. Crue ou Wasp. Ils font quelques concerts, mais ne trouvent ni bassiste ni batteur. Ça arrive. C'est pas évident. Stable, hein, bien sûr, j'avais pas fini. Avant 2004, et leur rencontre avec Kenny Big Attends, Balls Snake. je suis obligé. Si. Et je te l'accorde à 100%. Tu veux le faire aussi? Voilà. Comme ça, on est à égalité. Qui devait juste les dépanner? Donc, je dis Kenny Big Balls Snake qui devait juste les dépanner le temps d'un concert. Et en fait, il garde sa place de batteur au sein de la formation. Voilà. Belle Il histoire. rencontre un peu plus tard, tard, très tard, Matt et engage ce dernier au poste de bassiste. Au complet, le groupe se met à composer ses propres morceaux et sort en 2003 une démo, 5 titres intitulée Twilight, Rain and Darkness, limitée à 500 exemplaires. Bah moi je l'ai pas. Moi non plus. Hey, comment tu t'améliores? T'as vu? Ouais, c'est fort. Donc, le groupe signe au label Sun The Thing Records en 2006 et grâce à un de leurs amis propriétaires de plusieurs clubs à Tokyo, déjà on voit les mecs hein, quand même, Ouais, ça connaît des déjà, gens ça qui connaît des connaissent gens, des tout ça. gens. Hein. Bah, ils partent pour une première tournée d'une vingtaine de dates au Japon. Genre, vas-y, c'est bon, quand on se fait plaisir. Hein, on crée un groupe à Annecy, nos premiers concerts, on les fait au Japon. Quoi. Bah, c'est parce que c'est bien. C'est ça. Le groupe décide à ce moment de faire de ce qui n'était alors qu'un loisir, une vraie carrière. Wow. Comme ça. Comme ça, juste pour le plaisir. Ah, mais ils citeront dans le futur la véritable naissance du groupe au mois d'août 2006, année de cette tournée. À leur retour sort Black Rain. Cet album homonyme, plutôt orienté vers le heavy et power metal, leur vaudra des avis plutôt mitigés dans la presse, mais permettra au groupe de mieux se faire connaître. Ah, c'est... Je suis tenu à tes lèvres. Tu m'étonnes. Voilà. Grosso merdo, ils ont joué dans plein de pays. Ouais. Mais pas plus que ça que la France. Ah, moi, je les ai vus au Download. Oui, paraîtrait-il. J'ai vu ça aussi. Ouais. Mais ils jouaient beaucoup en Suède, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas. Non, je les ai vus au Download France. Bah vas-y, vas-y, bah écoute. Non, mais c'est pas parce que je les ai pas vus dans un autre pays. Si je les avais vus dans un autre pays, j'aurais dit, ah, je les ai vus dans un autre pays. Genre en Italie. Non, non, je les ai vus en France. Ah, au Download. Oui. Ah, hey, cool. Première édition. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà. Eh, c'est prêt, c'est cuit. J'ai... Eh ben écoute, de mémoire, je me suis dit, tiens, c'est pas pour moi du tout, mais je passe pas un moment dégueulasse. Ça passait super bien en live. Ah ouais, ouais. Après, dingue. Le public était hyper réceptif et tout, mais... Donc, ouais, c'était pas... Ouais, c'est ça aussi. C'est que le public est réceptif. C'est ça. Après, je suis pas du tout retourné écouter. Je sais pas du tout ce que ça donne sur CD, mais de mémoire, leur style à eux, ils le font bien. Ouais. Voilà. Ce que je dirais. D'accord. Et toi, de ce que t'en as écouté? De ce que j'en ai écouté, j'aime pas du tout. La voix, la musique, ça, j'aime pas. D'accord. Voilà. Après, c'est pas pour moi. J'ai écouté encore... J'ai fait l'effort d'écouter. Bon, ils ont que deux albums. Ça va. Donc c'est assez facile à se dire, ah, bon, je vais essayer de faire l'effort. Parce que quand tu commences à avoir 15 albums, tu dis, ah, ah putain, Kiss, c'est exactement ça. Tu dis, ah, putain. Et en fait, non, ça l'a fait. Mais là, Black Rain, ils ont que deux albums. Et non, c'est... La voix, ça... Ça m'irrisse les walpes. D'accord. Ouais. Ok. Donc. Tout simplement. Donc je n'irai pas les voir, je n'achèterai pas d'album, je leur mettrai trois cagettes sur ma case. Voilà. Ah, t'es en colère? Non, pas du tout, je suis pas en colère. C'est... Je tiens à dire que RTH n'est pas responsable des propos de votre con. Donc, bah, écoute, très bien. Moi, comme je les ai découverts en live, j'ai un avis forcément différent. Mais je n'ai pas pour autant été forcément réécouté, donc... Je me permettrai juste d'ajouter à ta chronique qu'ils passeront le vendredi en Main Stage 2, de 12h50 à 13h30. En face, il y aura Cut Leader et Radio Moscou. Cut Leader que j'avais chroniqué déjà, si tu t'en souviens. Voilà. Et Radio Moscou, qui je pense doit se situer à Moscou. Je crois que j'irai. Ah bon ? Ah oui ? Tu connais ? J'irai à Moscou. Ok. Très bien. Attention, instant mouche. Je me laisse tout seul dans ma galère. Ah oui, bah écoute, attends. Ce duo qui n'existe pas. Qui n'a jamais existé. À la base, c'était un trio. Le jour où c'est devenu un duo, moi, c'est là que j'ai tout perdu, j'ai perdu pied. Mais c'est parce qu'il nous a lâché le... Enfin, ouais. Whitesnake est mon troisième groupe. C'est ça. Alors, j'ai annoncé la semaine dernière un groupe de rock FM. Je me suis peut-être un peu enflammé, mais c'est un peu bon. C'est l'image que j'en avais. D'accord. Whitesnake ou le Serpent Blanc est un groupe de hard rock britannique originaire de Middlesbrough, dans le Yorkshire, qui est un petit chien que je n'aime pas trop. C'est vrai que c'est traître, ces bestioles. Disons, ça se coule sous les canapés, et quand tu t'installes, ça te chique les mollets. J'aime bien cette blague, en fait. Ah d'accord. C'est tout. Le groupe est formé en 77. Ah quand même. Ouais, par le chanteur David Coverdale, un ex-Deep Purple. Un ex-Deep Purple. Ah oui. Ouais. Et a d'abord connu un succès en Europe et au Japon avant de remporter un succès commercial retentissant aux États-Unis au milieu des années 80. David Coverdale, Dave comme je l'appelle entre moi et moi. Et le seul membre permanent du groupe qui a connu de très nombreux changements de musiciens en même temps depuis 77. Leur musique durant les premières années était un hard rock orienté vers le blues et par la suite leur musique a progressivement pris une nouvelle direction avec un son heavy metal, parfois proche du glam metal. D'accord. Ils font une petite pause après 97 et se reforment en 2002. Donc Whitesnake, c'est 13 albums dont 9 entre 78 et 89, 1 en 97 puis 2008, 2011 et 2015, moult live et albums remasterisés, il y a que ça. Que si tu ouvres Spotify, t'as tous les albums remasterisés pour retrouver lequel date de quand, c'est une merde sans nom. Cool. Alors du coup, moi j'ai été vraiment surpris parce que je suis retourné à la base de ce qu'avait fait le groupe et effectivement, c'est beaucoup plus blues rock et je me suis dit, putain, mais c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Moi, je m'attendais à un groupe rock FM. Et là, le moment où se fait le changement vers ce qu'ils appellent heavy metal, glam rock, je trouve qu'on est quand même plus sur du rock hard FM. Enfin, c'est pas autant qu'un Bon Jovi, par exemple. Mais on se... Enfin, je sais pas si on est... Je connais pas assez Motley Crue pour me rendre compte, mais... Il y a quand même toujours un petit peu de blues dans les albums et tout ça. Il y a un petit changement. Et en fait, il y a rien de désagréable du tout. D'accord. À aucun moment, je me suis dit, ah, oh, bah là, c'est trop, là, où ils ont vrillé ou machin, ou là, je m'ennuie, c'est juste... je vais pas dire que c'était plat tout le temps. Je trouvais plus sympa leur partie blues et le reste m'a pas plus emballé, mais en soi Whitesnake m'a pas non plus, je me suis pas dit, c'est vraiment un truc que tu peux te mettre en fond et qui passe, un truc de bluesy quoi, y a rien qui m'a retenu en fait. C'était pas celui-là que t'appréhendais un peu? Bah oui, j'appréhendais ouais. Parce que je pensais que c'était du rock FM, bah, un peu trop typé Bon Jovi, je pensais un peu plus à ça. D'accord. Alors c'est pas le cas, c'est pas, surtout que Bon Jovi a des morceaux avant qui... dans les débuts qui étaient plus intéressants. Bref, mais donc c'est plus que ça. Hein? Non, je connais pas plus que ça, Bon Jovi, voilà, mis à part. It's my life. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Donc, ouais, non, c'est pas du tout désagréable, mais ça m'a pas non plus donné envie d'aller les voir en fait. Donc, ouais. C'est propre. C'est pas. Voilà. Ok. C'est pas fifou. Il passe où? Il passe au Hellfest. Sérieux? Ouais, cette année. Cool. Il passe le samedi en main stage 1, ça c'était obligé, 18h55, 19h55, et ouais. En face il y a Combi Christ et Cham 69. Yeah! Donc toi tu seras à Combi Christ. Non, tu seras à Cham 69? Oh bah écoute, moi je suis plus punk rock que... Je connais pas Cham 69. Cham 69, ouais c'est un groupe de punk. Je connais pas. C'est un vieux. Toi, tu dis Shem 69 ? Yes. Oh, t'es le meilleur que moi. Mais, non, mais bien sûr. Mais ouais, Whitesnake, tu peux jeter une oreille sur les premiers albums. C'est du... J'ai 200 000 un groupe à écouter. Ouais, non, mais y a pas. Je peux pas être partout. C'est après, pas ce, possible. Que, ce que je trouve dommage avec un groupe comme Whitesnake, justement, c'est que les titres les plus populaires, c'est leurs singles. Et leurs singles, c'est donc de la deuxième partie, celle qui est plus qu'ils appellent donc hard rock heavy metal. Et en fait, ces titres-là sont pas forcément intéressants dans leur discographie. C'est les plus populaires, mais ils sont pas du tout représentatifs. Et leurs singles, comme ça, du coup. Comme Kiss, quoi. Hein? Comme Kiss. Ouais, bah enfin il y a quand même deux fois la même chanson dans Whitesnake. Ah, flûte. Une version remasterisée, une version de MD. Ah ouais, non, ça c'est la flûte, ça. Enfin voilà. Donc voilà, c'est pas du tout désagréable, ça doit parler à plus des gens qui y suivent depuis très longtemps. Voilà. Bon, je préfère Whitesnake à Immolation hein, si je veux faire un comparatif. Oui. Mais, voilà. Donc je n'y serai sûrement pas, donc du coup je vais peut-être aller du côté de Shem 69. Warzone. Bref, bah. Lieu sûr, hein. Donc ta dernière chronique mon ami. Ah, parlons de Fréto. Ah, je pense que là le mec a taffé là plus déjà. Non, pas du tout. Super génial. Bah comme d'hab hein, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Donc c'est un groupe de death metal. Ça. Je ne m'attends à rien. Donc... Oui, c'est pas faux. Actif hein, depuis 2015. Étrangement. Ah, tiens. C'est un groupe français. Non. Cocorico. Bravo les gars. Bon, allez, super, on adore ce que vous faites. Non, c'est pas ça. C'est bah si. Ah. Toi, t'aimes bien Acme, toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah mais oui. Il y a le batteur d'Acme. Non. Etienne ETN Sartou. Qui est à la guitare, basse et à la batterie. Donc peut-être, oui, t'as peut-être raison. Autant pour moi. Tiens, je vais reboire une gorgée, moi. Ça va être sympa. Oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. maintenant que tu me le dis, c'est vrai. T'es un fan de Carnival Inc. aussi. Bien sûr. Voilà. Au chant, il y a Arno Strobl de Carnival Inc. Entre autres. Entre autres. Ex-Bourgoule. La Bourboule. Ah, il y en a. Tu t'es trompé. Bourgoule. Oui, Bourgoule. Ex-Bourgoule. Non, mais t'as raison, mais t'as pas compris la blague. La Bourboule. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Putain, je vais reboire une gorge. Hop là. Et Fabien Desjardins. Attends. Ah, 1h30, hein, bah ouais. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le moment où on craque. Qui est à la guitare et qui est un membre de Benighted. Non. Eh ouais. Ah. Tout s'explique. Ah bah oui, bah là tout s'explique complètement. Tout s'explique complètement. Bah oui. Donc voilà. Donc Acme. Bah après, c'est vrai que là, Arnaud, du coup, il a un petit peu dans pas mal de groupes. Hein. Enfin. Dans pas mal de groupes et pas mal dans, à l'époque. De groupes. Voilà. Et du coup, bah. Guitare. Non, Benighted. Ce qui donne un putain de groupe, en fait. Ouais. Hein. Qui, bah, qui sortent leur premier album cette année. D'accord. Voilà. Un petit 8 titres qui va certainement bien dépulper les nichons parce que j'ai écouté quelques morceaux. Et t'as bien aimé. Et j'ai bien aimé. Et... Pour vous dire qu'il a bien aimé, il m'a même envoyé un message. Écoute ça si t'as 2 minutes. Ce qui arrive une fois par saison. Donc, voilà. Je crois que la dernière fois c'était avec Benighted. Oh. Non. Peut-être. Peut-être. En tout cas, là, t'as bien aimé. Ah ouais, franchement, ouais, c'est efficace. Ah ouais. Non, c'est vrai que j'ai écouté, j'ai dit, ah, c'est pas mal, ah, ça bien. Ah, non, tu m'as dit, mais putain, mais c'est bien. Oui. Non, mais, ah, oui. C'est ça que tu m'as dit. Oui, bah, parce que je suis un peu enjoué comme garçon. J'étais au travail en plus. Hein. Ouais, en plus. Ouais, bah non, c'est vrai. Donc voilà. Donc il passe où? Le vendredi sous Alta à 10h30 jusqu'à 11h. Parfait. Bah, va falloir que tu te réveilles quand même. Ouais, ça va, attends, ouais, ça fait 2 ans de suite où à 10h30 je suis au taquet. Hein. Je suis là. 2 ans je suis... de suite. Mais bien sûr. 2 ans de suite. Mais bien sûr. Le vendredi, 2 ans de suite. C'est pas parce que Monsieur Jack se prend des cuites à en vomir partout le jeudi et que vendredi il est pas au taquet. Je me casse. Alors là, monsieur, ce que vous faites, c'est de la diffamation, c'est faux. J'ai en toujours... aucun cas. J'ai toujours été au taquet, moi, à 10h30. Ah oui, alors même quand on a rencontré Caramel. Bah, on l'a rencontré le vendredi soir. Ouais, on a vu le jour se lever. Oui. Et, ben... et à 10h30, t'étais à la grille. Bah oui. Hein. Putain. Et t'es vieux. Bah, je donne tout 3 jours par an. Et le reste de l'année, je récupère. Ah, c'est ça. Ah, si, si, ouais, non, le lendemain, j'y étais. Hein, j'étais à l'ouverture. Putain, ça va. Ouais. Ah, mais moi, tu vois, je suis vraiment vieux du coup. Non, ouais, t'as plus d'enfants, tout ça. Donc, ils passeront le vendredi à l'altar des heures et demi, 11h, face à Voice of Hell, ouais. Les gagnants, et The Necromancer. Ah, attention, hein, parce que ça peut être un groupe pour toi, ça. Ouais, peut-être, ouais. Donc, mais là, du coup, ouais, franchement, là, tout de suite maintenant, là, je serai devant. Ah, donc ça fait partie de tes bonnes surprises, ah, ça. Ah, putain, grave. Que tu pourrais acheter un CD de 8 titres. Éventuellement. Je pourrais acheter l'album, ouais. T'as regardé sur Amazon, ils peuvent te livrer pour demain. Hein. Pas à cette heure-là, mais demain. Il n'est pas sorti demain. Hein. Arrête tes singeries. Ok, j'ai passé à mon dernier groupe. Allez. Sipecore ou Sipecore ou Sipecore, qui ne veut rien dire, est un groupe allemand de metal mélodique industriel death metal originaire de Mannheim en Allemagne. C'est tombé bien pour un groupe allemand. Ils se sont formés en 2007 et ont publié 4 albums studio indépendants. Quand même, faut le faire. D'accord. Ce sont tous des albums conceptuels basés sur un récit de guerre futuriste post-apocalyptique situé dans un hypothétique 22e siècle. Le groupe décrit leur style musical comme brutal, martial, mais toujours mélodique, et se réfère à leur propre performance live comme des opérations militaires. D'ailleurs, sur scène, ils arborent des tenues mélangeant entre post-apo et les protections de paintball avec des LED un peu sur le torse et sur les épaules qui renforcent vraiment le visuel du groupe. Voilà ce que je pourrais en dire au niveau bio. Et donc effectivement, j'ai regardé quelques lives, c'est assez intéressant visuellement ce qu'ils proposent parce que si les textes sont et le concept album suivent, c'est bien. Parce que donc tu peux vraiment avoir une histoire post-apo quand t'aimes bien. J'ai aussi vu des mecs qui venaient balancer de la fumée, un peu comme des extincteurs pendant les concerts, donc ça rendait plutôt pas mal. Musicalement, j'ai écouté les quatre albums et je dois dire que plus j'avançais dans les albums, donc en partant du premier jusqu'au dernier, moins j'aimais bien. Ah merde. Ouais, mais en fait, je trouve que ça s'écoute très bien. En fait, ce que je me suis rendu compte avec Cypcore, c'est que c'était un groupe parfait que j'aurais adoré surkiffer quand j'avais 20 ans. C'est exactement le genre de truc que j'aurais pu kiffer à 20 ans. Ah ouais? Le problème, c'est que j'ai plus 20 ans, et c'est donc que je continue de trouver ça, bah, c'est bien, je trouve que c'est cool. Mais voilà, Là, j'aime tu pas trop. surkiffes pas, quoi. Non, je surkiffe pas, j'ai trouvé ça bien, c'est propre, c'est carré, c'est très efficace, hein. Je pourrais réécouter facilement parce que ça va pas déranger. Mais quand j'ai enchaîné les quatre albums, arrivé au dernier, bah, j'en avais un peu marre et je trouvais qu'il était un peu moins intéressant. Mais le problème, en fait, c'est que comme c'est des albums concept, c'est peut-être des albums qui se mélangent pas à d'autres et qu'il vaut mieux écouter séparément. Tu vois, j'écoute le premier album, j'écoute le deuxième album, Ouais. mais à vraiment à des moments différents, quoi. Ok. Donc, c'est pas grand-chose d'autre à ajouter. Je serais curieux de voir en live parce qu'ils ont justement donc le visuel qui va bien avec. Mais s'il y a quelque chose en face qui passe au même moment qui me branche plus, voilà, je serais pas. Aïe, aïe, aïe. Cypcore passe le samedi soir tard à 11h40 jusqu'à 12h10 face à Skindred Aïe, aïe, aïe, aïe. et Fjend. Donc je passerai peut-être 5 minutes. Parce que des fois ça se prête de passer 5 minutes voir un groupe au Hellfest. Altar, c'est ça? Ouais. Ouais, donc ouais, tu peux passer devant, et Je puis passe avant, je regarde une ou deux chansons, je vois ce que ça donne, et après je cours vite faire la fête avec Skindred et toute la clique. c'est ça. Voilà. Donc c'était nos chroniques de l'épisode 15. Ah, dis donc. Avant de terminer, on va vite refaire un petit truc qu'on a oublié de parler, parce qu'en plus j'ai bien pris la tête avec Bob ce week-end pour ça. On a maté le film The Dirt sur Netflix. Donc c'est un biopic sur Motley Crue, c'est un biopic qui s'inspire du livre The Dirt que le groupe a lui-même écrit avec un journaliste qui s'est voulu plutôt être un réel livre honnête sur la vie du crew pendant leur grande période, à savoir trash, excès en tout genre, et vraiment excès en tout genre. Bref, le rock and roll a sa... A sa... À son apogée, à Bon. son oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc c'est un film Netflix réalisé par... alors c'est Jeff Tremaine, je crois. En tout cas, le mec qui s'occupait de faire les Jackass et tout ça à l'époque, à la réalisation. Ouais. Et donc bah, j'ai commencé, moi, par dire ce que j'en ai pensé. Alors j'ai passé un très bon moment devant le film. Je tiens à rappeler que j'avais peu aimé Bohemian Rhapsody. Et quand j'ai appris derrière que tout était bidon, ça m'a encore plus déplu. Là, le film joue régulièrement à casser le quatrième mur et s'adresser au spectateur. Et s'en sert autant pour nous renforcer et comment dire, nous faire être avec le groupe au plus près, et aussi s'en sert comme outil narratif, pardon. Nanaristique. Par exemple, à un moment donné, il parle de l'agent et d'un autre mec qui est important. Il dit oui, mais bon, lui, il sera pas dans cette histoire, et il l'efface. Et du coup, ça J'aime bien, renforce. c'est qu'à la fin, on le voit pas. Voilà, il est quand même remercié de ça, et ça renforce vachement le côté de dire, en gros, voilà, on va vous raconter plein de trucs, des trucs seront vrais, des trucs sont peut-être pas vrais, mais ça fait un ensemble cohérent, quoi. Tu sens pas qu'ils ont triché, ils ont La vraiment... plupart des choses étaient vraies quand même. Ouais, c'est ça, la plupart des choses étaient vraies, après il y a peut-être eu quelques adaptations, mais dans l'ensemble, effectivement, c'est assez trash, et ils ont effectivement été au bout de tout. Genre, j'aime beaucoup la scène avec Tommy Lee qui est en vue subjective où il refait sa journée. Voilà, pour moi, la journée commence à cette heure-là. Je me réveille dans une chambre d'hôtel où tout est cassé. Ouais, Et j'adore. arrivé, en fait, il rentre le soir bourré, il casse tout avant de se coucher. Et quand il se réveille le lendemain, tout est cassé. Tiens, le télé, c'est fou. Là, c'est. Je vais l'armer, Je ça. redécore, comme il dit. Ouais, Ouais, je c'est ça. redécore. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Le film est assez court, il n'est pas trop long. Ouais. Je trouve qu'il fait vraiment bien son rôle de. Il passe de la création du groupe jusqu'on va dire à leur séparation et retour. Et j'ai passé. Voilà. Non, c'est un bon film que je conseille aux gens. Je trouve que c'est un bon biopic. Et étonnamment, ça m'a donné envie d'écouter du Motley Crue. Voilà pour ma part. Toi, Bob, tu l'as vu aussi. Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? j'ai passé un bon moment. J'ai loupé une minute 23. Mais sinon, non, vraiment, c'est. Non, j'ai passé un bon moment. Ne connaissant pas Motley Crue, plus que ça, je connais deux noms, forcément, comme, ouais, comme moi, la plupart des gens qui écoutent du rock, du métal, machin, qui sont dedans, et connaissent Motley Crue. On connaît même les membres plus que la musique, des fois. Ouais, voilà, ouais. Alors, je dis pas, voilà, tu viens de me rappeler que ça a été écrit par les membres, et voilà. Ouais. Donc, du coup, ce qui renforce un petit peu plus l'histoire. Ah, puis ils étaient sur le tournage et tout. Hein. Il y a, Nicky Six et Tommy étaient sur le tournage et tout. Donc, ouais, voilà. Donc, j'ai bien aimé. Alors, forcément, tu recherches les acteurs. Tu dis, ah, putain, c'est qui, lui? Je le connais. Je sais dans quoi il a joué. Ce qui m'a le plus étonné, c'est justement le rôle de Tommy Lee, le batteur. C'est ça? Bah oui, oui. Hein, qui a été joué par un rappeur. Que j'ai vu en concert au Met Square. Ouais. C'est Tommy Gunn. Voilà, donc ce qui est très étonnant, mais il joue super bien. Ouais, il joue super bien. Il est, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu apprends à connaître les membres du groupe, parce que vu que c'est eux qui l'ont écrit, donc ils sont forcément... voilà, et du coup, tu connais un peu plus les caractères du membre du groupe, et c'est ça que j'ai trouvé aussi intéressant. C'est le batteur, justement, qui est un peu naïf, un peu concombre, super gentil, très, très mature, cool, très cool. Bah forcément Nicky Six qui est ultra torturé dû à son passé, et puis le bassiste qui joue dans Game of Thrones. Non, c'est le guitariste c'est Nicky Six, voilà, oui c'est Nicky Six en plus, donc oui, le guitariste qui souffre d'une maladie dès le départ, qui est, voilà, la spondylarthrite ankylosante, et voilà, donc mais ouais, non, je l'ai trouvé super agréable à regarder. Et puis, bah ouais, t'en apprends plus sur Motley Crue, qui est un gros rock and roll quand même, comme le plateau. Et qui... le passage avec Ozzy. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, j'ai trouvé ça super sympa à regarder. Franchement, c'est. T'en apprends plus sur Motley Crue. Est-ce que ça m'a donné plus envie d'écouter du Motley Crue? Bon, je ne sais pas. Les morceaux que j'entendais dans le film n'ont pas du tout dérangé. Non, mais moi non plus. C'est pour ça. Mais c'est comme s'ils passaient dans une playlist et que tu les entendais comme ça et que tu disais ouais, c'est cool. Ouais, ça bah, passe. Temps, oui, mais ce que moi je me dis, c'est ah bah tiens, ces morceaux-là, je les connais pas, ils ont l'air sympas, peut-être qu'il y en a d'autres. Tu vois, c'est ça que je me dis. Ouais. Donc c'est plus ça, je me dis ah bah ça me donnait envie d'écouter du Motley Crue. Mais ouais, ce qui est sympa, c'est de voir le début et. Oh, puis la défonce. Ouais. La rencontre de Tommy Lee et de Nicky Six, par exemple. Et tu vois, et je me faisais la réflexion de me dire, mais ces mecs-là, ils sont défoncés à longueur de journée pendant combien de temps? Et moi, non, et je suis au bout de ma vie. Quoi. c'est clair. Tu vois, enfin, ils étaient jeunes, hein, quand même, hein, dès le départ. Ils ont vécu le plus gros de leur carrière, vraiment à leur jeunesse, quoi. Enfin, je veux dire, le plus intense, on va dire. Et c'est toujours comme ça. Tu sais quand même que j'ai été voir... c'est marrant parce que comme le film... je trouvais qu'il était bien fait et qu'il avait l'air d'être dans la réalité. Au moment, par exemple, du mariage de Tommy Lee, j'ai été voir s'il y avait une photo qui existait. On la voit à la fin du film. Ouais. Mais moi, j'ai été la voir pendant le film pour voir. Et du coup, je voulais voir s'il y avait vraiment la gueule sur le côté et tout ça. Et c'est ça qui garde, bah oui, ils ont repris. Ouais. C'est vrai qu'on voit à la fin pas mal d'images d'époque. Du film et d'époque qui sont comparées comme dans beaucoup de films. C'est fait comme ça. Ouais. Et là, du coup, oui, on voit que les acteurs ont essayé de coller au maximum à la, c'est clair, mais non. À la vie du groupe. Quoi. Non, c'était... Et c'était très intéressant, mais ça s'est bien regardé. Ouais. Franchement, je le recommande. Je te l'avais dit. Du coup, on va passer au tirage au sort de nos nouveaux groupes. On devrait faire ça. Parce qu'il est quand même déjà 21h20. Et faut aller se coucher à un moment donné. Hmm. Tiens, comment... Faut aller bouffer, surtout. Oh, bah, oui, parce que bon... C'est pas le tout de... Hein, mais Alors. Ah, il rigole. Parce qu'il est tombé sur Dagobah. Très bien. Un groupe que tu vas bientôt voir en concert, en plus. Oui. Ah. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Ne te découvre pas, dit l'infil. Sonata Arctica. Tu vois, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure. Ouais, je suis assez d'accord avec toi-même. C'est descendante. Écoute, tu t'en démerdes, hein? Tout à fait. Et moi, psychroptique. Merci, les gars, de trouver des noms compliqués comme ça. Psychotrique. Très bien. Troisième groupe pour Bob. Testament. Test. Oh, salaud. Je le redis avec. Oui, non, bien sûr. Ah, salaud. J'aurais bien aimé tomber dessus. Comme quoi, la chance. Hein. Voilà. Decide. Ah bah. Ah bah. Eh. Eh, en parlant de chance. J'y ai pensé à cet après-midi, tiens, à Decide. C'est de la chance, moi. C'est rigolade. Tu vas passer un bon moment. Oh oui. Oh oui. Quelle cochonne. All them witch. All them witch, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà, voilà. Et mon dernier groupe. King Diamond. Bon, bah, ça va. Ah, bah, tiens. C'est con, j'aurais bien aimé découvrir. Bah, je les ai vus. Moi, j'avais été les voir la dernière fois. Hein. Ah ouais ? Ouais, je suis pas resté longtemps, mais j'ai regardé un peu quand même. Et ben voilà, donc c'était l'épisode 15. Donc 1h45 quand même. Hein. Ah quand même. Ouais. Ah, plus ça va. Hein. Ouais. Donc bah écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. On traite pas. Ouais non, bon, on se dépêche. On se dépêche. Faut partir. Bisous. Hein. Allez, bisous. On vous aime. On vous emmerde. Et puis à la semaine prochaine. Sabot de bois. C'est un peu expéditif quand même. Non, sabot de bois. Non, sabot de bois. Allez. Ouais. Sloubi.